c'est ici que tout commence. C'est sur Indestar, évidemment, il est 19h. Je suis Monsieur Vélim du BET de l'OPC pour le PGC. Je viens vous voir suite à l'annonce sur le BOAM concernant le DTU sur le respect de la RT2020 afin d'être en accord avec le CCTP et le CCAG présente sur le DTU si on veut pouvoir transmettre le DAACT à notre client. Vous me suivez ? Non, on ne suit rien du tout avec votre charabia là. Suivez plutôt les aventures du chantier sur Indestar avec une équipe qui s'est causée. Le chantier, c'est ce soir sur Indestar. C'est la chanson du chantier, une chanson pour se motiver. Y a des murs à casser, des briques à entasser, une toiture à réparer et des fenêtres à poser. Et oui, y a de quoi taffer, mais pas de regrets quand tu te fais aider. L'équipe est là, l'équipe du chantier. Bienvenue sur Indestar. Bonsoir tout le monde. J'espère bonsoir tout le monde va bonsoir. Bien. Alors bonsoir. Toi t'es tout le monde quelque part Angers puisque t'es toute seule mais tu fais partie de l'équipe. Comment tu vas? Bah ça va. C'est vrai. T'as passé une bonne semaine, enfin bon début de semaine puisqu'on est mercredi seulement. Oh bah ça va, c'était plutôt on va dire une semaine un peu shopping étant donné que je pars en vacances. Ah tu pars en vacances dans les îles, savourer la plage, les cocotiers, tout ça, c'est en Pologne. Ouais, c'est ça. Là où qu'il fait chaud. Mais comment on peut avoir cette idée d'aller en Pologne? Oh là là. Bah comme on peut avoir l'idée d'aller en Espagne ou tout autre pays. Bah non, justement c'est pas la même idée, tu vois. Je vois pas ça pareil. Bon, mais c'est bon, parce que les gens connaissent pas les pays. Ah, c'est surtout parce que toi tu connais déjà la Pologne. Oui, ouais. C'est sous-côté, mais c'est tellement beau. Ouais, c'est et pas cher. Ah oui, c'est pour ça. En fait, c'est pour faire des économies que tu vas en Pologne. Oui et non, mais ça en fait partie. Comment va François ce soir? Ça va. Ouais. Ça va. T'es venu en vélo? Je suis venu en vélo. Ouais. C'est bien que tu le dises, je suis venu en vélo parce que j'ai perdu mon permis en début de semaine. Quoi? Quoi? Comment ça, attends, toi, tu l'as perdu de manière. Tu t'es fait arrêter ou tu l'as perdu physiquement? Suis... je retrouve des couleurs là parce que franchement c'était bien relou. J'imagine. Voilà. Donc, okay. Voilà. Donc, combien de mois en vélo là? Alors, de ce que m'a dit le gendarme, c'est minimal. 6 mois? Donc ce sera 2 mois, je crois. Non, oh, bah ça va. Mois, histoire d'avoir le. Comment on appelle ça, le body summer, là, j'ai pas trop quoi là-dessus. Ouais, je m'en serais bien passé, mais bon, c'est les choix. C'est pour ta santé. Les choix douteux qu'on peut faire, donc voilà. Je vois. Voilà. Ok, Brigitte, ça va, ton permis va bien? Oh, bah oui, ça va. Ouais. Il y a ses 24 points ou ses 36 points, moi, le permis de Brigitte. Très bien. Évidemment, la question qu'on va tous se poser avant de vous dire, enfin, je vais d'abord vous dire qu'on est sur Twitch hein, ce soir si vous avez envie de nous voir. On fait comment, Angé, pour aller nous voir sur Twitch? T'as la méthode? Ne me regarde pas avec ces grands yeux-là, que l'on voit que si on est sur Twitch. Comment on fait? Ben, on va sur indestar.fr. Bon, non. Alors, indestar.fr, si vous voulez nous écouter et si vous voulez écouter cette émission ultérieurement, c'est-à-dire en podcast, à n'importe quel moment, vous pourrez le faire sur indestar.fr ou d'ailleurs sur toutes les plateformes. Mais pour le Twitch, vous allez sur Twitch. Jusque là tout va bien. Et vous tapez Indestar Radio tout attaché. Et là vous allez tomber sur notre chaîne. Vous pouvez vous abonner. Je ne savais pas. Si vous êtes inscrit sur Twitch, vous allez même pouvoir commenter cette émission puisqu'on a un chat. On lira vos messages en direct. Vous voulez nous faire des petits coucou, on est là. Et en plus vous pourrez nous voir. Ce qui n'a aucune espèce d'importance puisqu'on est dans un studio de radio quelque part. Mais voilà, vous pouvez le faire. En effet. Et je crois Théo qu'il y a une surprise sur Twitch. Ah, tu voulais sur Twitch. Alors attends, 30 secondes quand même, non? Tu veux 30 secondes? Tu veux la dévoiler maintenant ta surprise? Ah, je sais pas, allez, faut demander. C'était une surprise pour qui? C'est une surprise pour moi? Non, c'est pour François André. Ah, c'est pour François. Oh, d'accord, ok. Alors, pour quel c'est. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais laisser François André cliquer sur le petit bouton. Il a dit non. Ah, oh, ça me fait trop plaisir. C'est quoi? Dis-nous tout. Ah, c'est une photo d'Angé et de Mehdi quand on était à l'école primaire. C'est incroyable, c'est collector. Je la veux. Tu veux? Je vais la faire imprimer. Ah, c'est incroyable. Ah, il y a des souvenirs là. Je suis tombée dessus. Enfin, la semaine dernière, on a regardé toutes les photos d'enfance et on est retombé dessus. Ah, c'est trop bien. Ouais. Donc, vous étiez à l'école ensemble mais quand vous étiez petit. Oui. Ouais. t'as retrouvé la photo. Oh, dis donc, ça me fait vachement plaisir. Ça, bah c'est un des avantages d'être sur Twitch. Effectivement, vous avez des petits happenings comme ça qui peuvent surgir à n'importe quel moment. Même des photos de 1992. Non, mais j'étais pas né. Hein. Ah non, et c'est vrai que pour moi non plus, j'étais pas né. Ah oui, l'enfant, c'est pas si vieux pour vous. Hein. C'était l'année dernière. Figurez-vous que je ne sais pas comment l'enlever. Ah, tu rappuies sur le petit œil, si tu veux. Ok, voilà. Pardon. Sinon, on peut l'avoir toute l'émission, mais bon, c'est comme on veut. J'ai une espèce de... Il y a des choses qui ne te vont pas. Ouais, il y a des choses qui... La trace. Ah, la trace, c'est pas grave, t'inquiète pas, les gens ne le voient pas. Ok, d'accord. Je vais vous demander, évidemment, traditionnellement, si vous avez fait des travaux ce mois-ci. On est dans une émission de bricolage, hein, on va faire un grand chantier ce soir, on va aborder le thème de la plomberie. Est-ce que vous avez fait des travaux en règle générale? Oui. Alors quoi? Moi, bon, pour ceux qui ne savent pas, j'habite actuellement à Saint-Aignan et ouais, quasiment, les gens savent pas où c'est, mais quasiment tous les voisins de chez moi sont des gens qui travaillent au zoo, donc on les connaît. Ouais. Bref, jusqu'à là, tout va bien. Mm-hmm. Et notre chère collègue voisine m'a demandé si j'aimerais bien aller poser un lustre, un ancien lustre, hein, vraiment le lustre Louis XV, tu vois. D'accord, elle a ça chez elle? Enfin, j'ai dû le poser. Ok. C'est-à-dire qu'il y avait deux filles qui pendaient. Bah, parce que du coup, je lui ai proposé, je lui ai dit, bon, je vais faire, c'est bon. D'accord, ok. Donc, je le mets. Oui. Donc, du coup, bah, j'ai raccordé son lustre à ses fils, ses raccordements. J'ai dû mettre un domino, visser, etc. Domino, on a dit la dernière fois que les dominos, c'était plus autorisé. Ouais. Il faut mettre des wagos. Et bah, j'ai mis un domino. Ah, voilà, parce qu'il y a le feu chez elle. Écoute, l'assurance... C'est encore vendu. D'accord. Oui, mais alors, c'est pas parce que c'est vendu que c'est autorisé. C'est-à-dire écoute, que... c'est un truc de Louis, machin, truc muche. Hein, le domino, il est d'époque. Ouais, c'est Napoléon. C'est Napoléon. Vous mettez un domino, ça fera bon appart. Du coup, j'ai fait l'électricien. D'accord, très bien. Ouais, c'était. Voilà. Ok. Incroyable. Si évident que ça de mettre un lustre, parce qu'il faut changer quand même le. En fait, c'est pas. Alors, sur les nouveaux apparts ou les nouvelles maisons, maintenant, il y a des choses qui facilitent un petit peu le changement. Mais sur les anciens logements, tu dois quand même un peu changer les fils pour que ça puisse fonctionner. Là, c'était des fils relativement neufs. Après, il a fallu mettre une cheville là, dans le plafond. Ah, dans le plafond, parce que sinon. J'avais peur que ça tienne pas. Oui, le placo s'effondre et c'est pas une bonne idée. Mais sinon, après, ce qu'il y avait sur le lustre, c'était des fils assez anciens. Mais je me suis débrouillé et puis bon, on a trouvé du premier coup les bons fils, donc très bien, parfait, bravo. Ça a pas disjoncté. C'est bien, c'est mieux. Oui. François, des travaux? Non, pas nécessairement. C'est des petites bricoles à la maison parce que j'ai une compagne qui aime bien changer les meubles de place. Comme toutes les femmes de cette terre, je crois. Ouais, non, mais c'est tout le temps, quoi. Il n'y avait pas un lustre Louis XV à mettre quelque part? Non, il y a pas. Ça irait pas, de toute façon. Mais non, pas spécialement. Ok. Et Brigitte? Ah, bah moi j'ai construit un mur de briques comme les petits cochons. C'est celui, on rappelle que dans les petits cochons, c'est la maison la plus solide. Hein. Oui, donc là j'espère, oui. J'espère qu'elle. Elle dit j'espère, mais le lendemain, elle m'a envoyé un message en me disant tu peux vérifier si le mur est toujours là parce que. Il y avait beaucoup de vent, donc. Ça n'avait pas le temps de sécher encore. Mais dans les trois petits cochons, malgré le vent, malgré le loup, tout va bien. Ouais, donc le mur est toujours debout. Quoi. Ouais, le mur est toujours debout, ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, moi de mon côté, donc le chantier avance, alors moi je fais des travaux. Là je vais attaquer la cheminée là ce week-end, on va tuber la cheminée, etc. Mais le maçon et le charpentier sont tapis d'œuvre. Et bon, le charpentier amorce la dernière partie, il est en train de recouvrir une partie de la toiture. Mais le maçon sur le mur qu'on avait détruit, François, il est reconstruit à 80%. Donc, et même peut-être 100% là, parce que j'ai pas été voir les deux derniers jours. Mais voilà, d'ici la fin de semaine, en tout cas, on aura un nouveau mur à ce moment-là. Donc voilà. Ton toit va pouvoir reposer sur quelque chose, quoi. Exactement, c'est vrai que le toit pour le moment repose sur rien, mais ça tient quand même. C'est pas comment. C'est dingue, quand même. S'il y a un été, il y a un été. Oui, ça va bien. Parce qu'il faut dire qu'avec ces parpaings, il va beaucoup plus vite qu'avec les briques. Hein. Oui, c'est vrai que la masse du parpaing fait que tu mets un parpaing alors qu'il t'en faudrait 6 briques, quoi. On avait compté, je sais plus exactement le nombre, c'était minimum, ça, 6 ouais. Ouais. Et sachant qu'avant de construire ce mur, j'ai cassé le mur qu'il y avait avant. Il fallait casser le mur. Mais ça, on aime bien casser les murs. Juste un petit coup de marteau. Mais ça va plus vite à casser qu'à remettre. Hein. Ouais. Ça, c'est valable pour tout. Hein. Aujourd'hui, on va aborder le thème de la plomberie. Donc, on va vous donner des petites clés pour réussir la plomberie. On va parler des ballons d'eau chaude. On parlera de l'assainissement individuel. On aura un plombier, Johan, qui sera avec nous tout à l'heure pour nous parler de son métier et puis de ce qu'il fait au quotidien. Et puis, on a été vous poser la question. Évidemment, c'est traditionnel. Lisa et Kiki sont partis sur le terrain, on était à Bricomarché Possé sur 6 et on vous a posé la question de savoir ce que vous faites comme travaux en plomberie. On écoute vos témoignages. Florian, petite plomberie, évacuation d'eau et arrivée d'eau Oui, chez moi. Tout, PVC pour les évacuations d'eau. La colle à PVC pour coller les évacuations d'eau. Et pour les raccords et l'arrivée d'eau, le PER, la plupart du temps. Je demande, j'essaye, je me trompe, je refais. Et puis, je demande conseil aux personnes qui s'y connaissent un peu plus. Des amis qui, la plupart du temps, font partie du métier. Et puis, bah oui, quelques tutos de temps en temps, histoire d'aller voir quand même aussi, quoi. Ça donne les bases. Pas de difficultés, ni de réussite plus ou moins, voilà. Content quand... Ça va ? Ouais, ça va. Non, oui, quelques difficultés parfois où ça va pas exactement comme on veut, mais bon, on démonte et puis non, je râle, mais bon, ça fait du bien, quoi. Mathias ? Raccordement, base, pas quoi, évier, évacuation, j'en sais rien, ce genre de choses. Chez moi, chez d'autres, je suis pas plombier. Je dirais pas que je m'y connais, mais je suis capable d'assembler des raccords PVC pour peu que j'ai regardé une vidéo YouTube d'abord. Effectivement, je peux demander occasionnellement à un entrepreneur que je connais qui me répondra. Christian, je suis dans la mécanique, ça aide quand il y a besoin. Les travaux en général, oui, en plomberie quand il y a besoin. Bon, des fois pour rendre service à la maison. Installation de douche, modification d'évier, salle de bain. Difficile, non, mais il faut s'y retrouver dans toutes les références. Il y a la plomberie, il y a beaucoup de références différentes. Vous avez intérêt à en prendre plus et puis à ramener ce que vous n'avez pas besoin si vous ne voulez pas faire plusieurs tours. Comme les magasins reprennent, c'est pas mal. Dernier truc que j'ai fait, c'est installer une douche pour personnes à mobilité réduite chez ma mère à la place d'une baignoire. En étant pas mal bricoleur, ça aide beaucoup. Merci pour tous vos témoignages et on voit que bah, vous taffez quand même sur la plomberie, ça y va. Hein. Ah oui. Hein. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça coûte cher. Hein. Il vaut mieux s'y connaître un petit peu. Hein. Ouais, tout coûte cher hein, finalement quand on fait appel à des artisans. Mais bon, c'est vrai que des fois on se dit bon, c'est quand même mieux parce qu'on a envie que ça tienne. La plomberie, il faut faire attention. Il y a quand même des choses, on va le voir hein, tout au long de cette émission. Mais quand même des règles à respecter pour que ça soit aux normes, pour pas qu'il y ait des problèmes par la suite. Parce que si vous passez des tuyaux, vous fermez, vous faites un beau mur et qu'il y a des fuites ou que ça ne s'écoule pas, il faudra tout recasser. Donc ça sera dommage de devoir tout recasser. Aïe, aïe, aïe. Bah, oui. Donc bon, ça se fait, mais il faut le faire voilà, dans les règles de l'art, dans les règles du métier, tout à fait. D'autres choses à rajouter là-dessus ou pas? Non. On regarde pas comme ça. J'ai posé un deuxième lus si ça peut t'intéresser. C'est vrai. Entre temps là pendant le micro trottoir. Non, juste après je me suis sentie pousser des ailes et ah, tu t'es dit on va refaire toute la maison. J'ai décidé de dire à Simon tiens en fait le lus que ça fait des années que tu dois le mettre, bah je l'ai mis. Ah oui. Ah bah voilà. Oui, il était dans le placard, c'est le fameux truc. Non, que oui, oui, il était dans le placard, oui, tout neuf. D'accord. Du coup j'ai tout mis bon. Tout neuf mais de 95, tu vois le lus c'est un peu dépassé. Non, c'était un moderne celui-là, mais je me suis forcément comme ma patience incroyable. J'étais un peu énervé quoi, mais j'ai posé un lus. Pourquoi énervé? Ah bah parce que le tournevis c'était pas là, parce qu'il fallait mettre ça tenait pas, fallait recommencer. Faut pas s'énerver quand on fait des travaux, ça sert à rien, ça fait pas monter les choses. Oui, bon. Mais bon, c'est vrai que des fois c'est relou. Bref, du coup rien à rajouter sur le plan bric. D'accord, très bien. On aura le journal du chantier dans un instant. Alors, journal un petit peu différent dans le sens où d'habitude je vous raconte un petit peu ce que j'ai fait concernant le sujet du jour. Or, qu'est-ce que t'as fait ? Pour le moment, bah j'ai pas fait de plomberie. Donc voilà, on devait à la base faire charpente et couverture, mais on voulait que Nono soit là, ce qui n'est pas le cas ce soir, donc ça sera pour le mois prochain. Et là, on va aborder, je vous parlerai des fosses, pas des fosses, mais des assainissements individuels. Quand vous ne pouvez pas vous raccorder au tout à l'égout, alors ce qu'on appelle plus d'ailleurs du tout à l'égout, mais de l'assainissement collectif, puisque anciennement, tout à l'égout, on mettait tout à l'égout, mais maintenant, c'est différent. Voilà. Mais voilà, maintenant, si vous ne pouvez pas faire d'assainissement collectif, il va vous falloir choisir l'une des solutions d'assainissement individuel, et je vous conterai ce récit dans quelques instants. L'interview tout à l'heure avec Johan, le jeu en fin d'émission, évidemment, puisque tu nous as réservé un petit quiz Brigitte contre Angé, donc en fait finalement ça sera François contre Théo. C'est le jeu, on jouera l'un contre l'autre et vous allez pouvoir jouer également avec nous sur le Twitch puisque vous pouvez vous connecter sur Indestar Radio. On écoute le dernier Lindsay Stirling, le tout nouveau, ça s'appelle Inner Gold, et évidemment c'est sur Indestar en avant-première ce soir dans le chantier. Comment ça, c'est comme ça qu'on apprend? Et ça fait 15 heures que je suis sur le plafond là. Vas-y, éteins la lumière, tu vas voir, il est nickel mon plafond. Le chantier, c'est ce soir sur Indestar. C'est comme ça que Ranger s'énerve. Oui, non, pas trop, ça va. Enfin, non. Un peu. Si, je suis un peu collègue. Oui, bah voilà. Non, ça va, c'est que ma patience a des limites. Perd. Non, mais se perd depuis que je grandis. D'accord, ah, tu grandis. Ça, c'est vrai que tu continues de grandir, bah ça se voit pas visuellement, mais. Je suis moins patiente qu'à l'époque. C'est vrai? Bon. Bah. Ah, ça va être l'inverse. Mais bienvenue sur Indestar. En tout cas, si vous venez de débarquer, nous sommes mercredi soir en direct live. Et c'est Le Chantier, votre émission mensuelle où l'on parle bricolage, on parle rénovation de maison et plus particulièrement ce soir de plomberie. Voilà, on va aborder tout ce qui est tuyaux, évacuation et notamment aussi fosse individuelle, assainissement individuel. Mais avant, j'aimerais. Alors pour ceux qui sont sur Twitch, ça va être visuel. Pour les autres, ça va être auditif. J'ai obtenu mon permis de construire pour un garage. Voilà. On applaudit. On peut applaudir à l'administration française, s'il vous plaît. Bon, alors c'était un petit peu compliqué, comme tout permis de construire, surtout quand on est seul à le faire. Alors ça va que je maîtrise l'outil informatique et que je peux faire des rendus 3D de face, de côté, de 3D, oui, clair, de ce qu'on veut. Maîtrise, hein. Mais c'est vrai que si c'est pas le cas, vous allez galérer ou alors faut faire appel à un architecte qui vous prendra la moitié du prix du garage. Et j'en suis désolé, mais c'est comme ça malheureusement que ça fonctionne. Voilà. Peut-être qu'un jour ça sera simplifié. Il y a pas des tutos sur YouTube? Oh, il doit y avoir des conseils, mais. Bon, ça fait pas tout, quoi. Ouais. Ouais, ouais. En tout cas, parlons assainissement individuel, si vous le voulez bien. Donc, dans quel cas, déjà, on se raccorde à nous-mêmes? C'est quand on n'a pas de raccord collectif. Donc, voilà, enseignement, le tout à l'égout. Avant toute chose, alors quand vous construisez une maison neuve, vous allez devoir faire une étude de sol. Étude de sol par un professionnel, un bureau d'études géotechniques, une entreprise de géologie ou de géotechnique. Imagine, tu trouves un dinosaure, c'est foutu. Ah oui, alors là, ouais, vaut mieux le camoufler le dinosaure, hein, parce que sinon, là, t'es embêté. Hein. C'est pour très très longtemps. Ça va faire en sorte de connaître la nature du sol, l'absorption, si vous avez par exemple une roche calcaire ou ce genre de choses. Enfin bref, moi, c'était pas le cas dans le sens où quand on achète une maison, normalement, on a cette étude de sol qui a déjà été réalisée. Donc voilà, je sais que j'ai de l'argile, par exemple. Voilà, il y a la nature du sol qui est faite. Une fois que vous avez cette étude, vous allez faire le choix du système. Et des systèmes, il y en a plusieurs. J'en ai listé quelques-uns, les principaux. Vous avez tout d'abord la fosse toutes eaux. Alors c'est ce qu'on appelait à l'époque la fosse sceptique, mais maintenant qu'on est plus sceptique à l'idée que ça soit efficace, on l'appelle la fosse toutes eaux. C'était ma petite fan. J'exagère, mais disons que c'est comme si c'était un grand bac à caca, voilà, que l'on va nettoyer de temps en temps. Enfin, quand je dis nettoyer, on va vidanger plutôt de temps en temps. En vrai, il y a quand même des matériaux filtrants à l'intérieur, hein, dans la cuve, qu'on appelle des pouzzolanes, qui travaillent. Voilà, ils sont pas cher payés, mais ils travaillent. Mais ça filtre pas des masses non plus, hein, c'est histoire de vraiment d'écumer le plus gros. Et du coup, qui dit peu de filtration dit vidange peut-être un petit peu plus souvent. Alors ça va, dans les délais, on est à peu près sur du 4 ans pour les petites installations. Donc voilà, d'une fois tous les 4 ans, vous appelez, on vient avec un gros camion, on vidange. Je me souviens qu'à l'époque, c'était mon père qui le faisait. Il vidangeait, mais il mettait où? Bah, il avait une espèce de cuve avec, ouais, un tuyau. Et par contre, où est-ce qu'il vidangeait, ça je sais pas. Mais je dans le fossé d'à côté, ça sent un peu mauvais. Je me mais... souviens que c'était lui qui le faisait. Ah, et à chaque, okay, fois qu'il faisait ça, c'était horrible. Oui, ça sent puait, pas très bon, effectivement. Même s'il y a les petits filtres, mais vu qu'ils enlèvent que le plus gros, on est d'accord que ça sent pas bon. Non. En complément, si tu veux filtrer un peu plus, mais que tu as aussi plus de la place dans ton terrain, parce qu'il faut quand même de la place, tu peux adjoindre un filtre à sable. En gros, c'est un drain qui va passer dans plusieurs couches de sable et de gravier et qui va permettre de filtrer. Donc là, on n'est pas sur les 20 mètres carrés de pelouse que tu as devant chez toi. Vraiment, il faut un peu plus de place. Mais en tout cas, ça peut permettre une augmenter de la filtration et du coup de vidanger moins souvent la cuve. Autre solution, la microstation. Pas de radio, la microstation d'épuration. Là, on est. Ah, j'ai pas parlé du budget tout à l'heure. J'avais pas le budget. Si, j'avais le budget quelque part. On était dans quoi, 5000? Ah, j'ai perdu mes feuilles là. Je pense que ça doit être dans ces eaux là, effectivement. Ouais, 3 et 6000. 3 et 6000 euros, il faut compter pour la fosse toute zoo. Donc là, si on a le filtre à sable, non, le filtre à sable, j'ai pas les prix, mais par contre, si on est sur la microstation, on est entre 6 et 12 000. Là, ça va s'adresser plutôt à des habitations qui sont occupées toute l'année, puisqu'en fait, il faut entretenir, c'est bizarre à dire, mais il faut entretenir la culture des bactéries. Des bactéries, il faut que tu restes vivante, tu vois, quelque part. Il y a deux types de microstations, il y a à culture fixée et à culture libre. Celles qui sont à culture fixée, on est dans un... Il y a un réacteur, sur lequel les micro-organismes vont se nicher, telle une moule s'attache à son rocher. Bah voilà, là, ils vont se fixer dessus. Et pour ce qui est des cultures libres, il y a deux sous-catégories. Il y a les SBR, les réacteurs biologiques séquentiels, où le traitement a lieu dans un seul compartiment. Et au contraire, on a les libres-libres. Ils sont très très libres ceux-là, où là on a deux cuves séparées. Donc ils vont aller d'abord dans une cuve et puis après ils vont aller dans l'autre cuve. Voilà, même procédé que l'assainissement, mais qu'on a dans des stations d'épuration collectives en fait. C'est des cultures libres. Donc pour résumer, plus il y a de filtrage dans une fosse toute zoo, moins on vide souvent, plus c'est écolo, mais plus ça coûte cher à l'achat. Et plus ça demande aussi une surveillance par un professionnel. Tout ce qui est microstation, ça fonctionne à l'électricité, donc faut en tenir compte aussi dans les dépenses. Vous aurez ça sera dans la facture d'électricité, il y aura une part qui sera prise par l'assainissement. Entre ces deux solutions, il y a le filtre compact qui prend un peu des deux autres solutions dans son fonctionnement, c'est-à-dire qu'on a une cuve style fosse toute zoo avec un pré-filtre, et on a une cuve où les eaux sales vont aller dans un deuxième temps. Ok, donc il y a des filtres de coco. Voilà, c'est comme aux Philippines. Ça, c'est pour le côté un peu romantique de la chose. En fait, bon, c'est toujours des cacas qui vont à l'intérieur, hein, désolé, mais bon, c'est comme ça. C'est assez petit, c'est plus compact, ça fait moins de 15 mètres carrés. Par contre, ça fonctionne sans électricité. Et l'entretien se fait tous les 10 à 15 ans. Donc voilà, on a un laps de temps assez conséquent. Par contre, la vidange, elle doit se faire à peu près tous les 50% de remplissage. C'est-à-dire que je pense que à partir du moment où ça va dans la deuxième partie de la cuve, il faut vider la cuve. Quant au prix, on est sur du 8 à 11 000 euros, en sachant que ça sera plutôt sur le palier haut si on doit installer une pompe de relevage. Donc ça, tout dépend du terrain où vous vous situez. Voilà pour le tour d'horizon, un peu des solutions. Maintenant, à vous de faire votre choix. Alors, en prenant en compte vos valeurs, ça va être est-ce que vous voulez une maison qui soit écologique ou pas vraiment. Enfin, voilà, vous faites comme vous l'entendez. La taille de la maison, évidemment, sera pris en compte. L'utilisation de la maison, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des maisons, il faut vraiment être là à peu près tout le temps. Enfin, sauf si vous en allez une semaine en Pologne, mais sinon, il faut vraiment être là le reste de l'année. Donc, si c'est une maison principale ou secondaire, la nature du sol, si ça bouge ou pas, par exemple, s'il y a une nappe phréatique. Et puis évidemment le coût de l'installation, mais aussi les coûts d'entretien. Il faut vraiment se faire un calcul dès le départ. Je vous donne un prix moyen pour une vidange de cuve, on est à 300 euros à peu près. Donc voilà, une fois tous les 4 ans, ça le fait. Bon, on gagne 400 euros si on s'appelle Papa Didier, ça reste quand même raisonnable. Par contre, si vous êtes sur une microstation, il y a quand même des coûts par des professionnels entre temps, quoi. Donc renseignez-vous également sur les aides, notamment sur l'ANA, il y a des choses qui existent, des prêts à taux zéro, notamment pour le financement des cuves, etc. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, j'en ai parlé tout à l'heure pour mon permis de construire, mais il y a ça pour tout, les démarches administratives, la partie plaisir, les fameuses. Super. Exactement. Ouais. Alors là, en 1, vous allez contacter le SPANC, Le SPANC, c'est le service public d'assainissement non collectif. Très bien, François. Donc, celui dont dépend votre logement, bien évidemment, c'est d'auprès d'eux que vous allez pouvoir déjà être conseillé. Mais c'est aussi à eux que vous allez faire valider votre projet, que vous allez remettre votre dossier et qui contrôleront également votre installation. Et vous allez voir qu'ils contrôlent pas mal. Évidemment, pour ça, vous leur avez fait d'abord un beau dessin avec le plan précis d'installation des différents éléments, avec le tracé de toutes les évacuations de vos eaux usées, mais aussi les cotes et la représentation de votre maison, les voies d'accès, les places de stationnement, le garage, la piscine, enfin tout ça, même le puits, hein, il faut. Et puis les distances qui sont aux limites de propriété, donc entre votre maison et puis la limite de terrain. Vous leur fournirez également le plan d'aménagement intérieur de la maison. Alors c'est peut-être si vous les invitez en amis, pour qu'ils situent la chambre d'amis, mais c'est aussi pour qu'ils voient tous les emplacements des évacuations d'eau que vous avez chez vous. Et si vous les avez, vous pouvez également transmettre l'étude de la parcelle, le plan de situation, voire le permis de construire si l'assainissement demande des éléments constructifs, c'est assez rare, mais bon, ça peut arriver. Sinon, ouais, par exemple, vous avez 15 enfants, un château, là, dans le cas de notre rénovation d'une petite maison, ça sera pas forcément nécessaire. Par contre, si c'est du neuf, vous allez joindre en fait cette demande au permis de construire. Vous allez faire une pierre deux coups. Ensuite, le SPANC, il étudie votre dossier. Monsieur Michel, là, ça a l'air d'être pas mal. Ils peuvent venir sur place apprécier la situation avant les travaux. Voilà. Si c'est validé, ça veut dire que nous on peut y aller. Donc on va creuser le trou, vous allez faire creuser le trou. On va lui mettre un petit lit douillet hein, en bas avec du sable, des graviers, enfin vraiment pour que la cuve repose sur du solide et en même temps que ça soit pas trop, des pierres en silex. On va installer la cuve. Bien droite, évidemment, un petit coup de niveau, c'est mieux. Et puis, on va y rajouter notre système d'épandage ou notre filtre à sable si on a choisi l'une de ces solutions. On va raccorder nos tuyaux, bien évidemment, en respectant les pentes adéquates. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure dans cette émission. Parce que s'il y a une fuite, c'est galère. Hein. C'est galère. Ou si ça s'évacue pas correctement, c'est galère aussi. Faut déboucher. Et là, on va rembler. Ah ben non, on va pas remblayer, on va faire appel au SPANC. Bah, ça fait longtemps qu'on les a pas contactés. Ils vont valider de nouveau notre installation. Ils vont venir sur place avant qu'on ait, enfin une fois qu'on a tout raccordé, mais avant de tester le système pour nous dire bah ok, ça c'est good. Ensuite, on va essayer. Donc là, c'est là on vérifie s'il y a pas de fuite, si tout est bon. Et si tout est bon, on va remblayer pour tout cacher, sauf les sorties du haut évidemment, parce qu'à un moment donné, il faudra extraire. On va y mettre toutes les petites pierres à côté, la pelouse, tout ça. On met en route et qu'est-ce qu'on fait là? On fait venir le SPANC. Le SPANC, bah oui, bah oui. Hey, ils sont devenus des copains entre temps. Et c'est pour ça qu'on peut les inviter à la maison. Ils invitent à l'apéro. Exactement. Ils vont faire une dernière vérification. Alors, dernière vérification pour le moment T où on installe notre assainissement, puisque le SPANC il reviendra régulièrement pour des inspections. D'ailleurs, petit aparté, j'ai le SPANC qui m'a contacté, qui a déposé un courrier dans ma boîte aux lettres pour venir vérifier mon installation d'assainissement individuel que je n'ai pas. Donc je leur ai signifié que je n'en avais pas parce que la maison est en travaux et ça se voit d'ailleurs en y allant. Ils m'ont dit ah, ok d'accord on prend en considération etc. Et puis ils sont venus quand même et puis ils m'ont renvoyé une lettre en disant bah, on est venu mais vous étiez pas là donc on veut revenir. Mais non mais j'ai toujours pas d'assainissement individuel. C'est que ça quoi. Et oui. Mais je me suis dit, en plus, ça va leur éviter de se déplacer, tu vois. Mais bah non, finalement, la commission n'a pas été faite. Et en plus, quand tu fais preuve de transparence, ça, je l'ai vu, hein. Bah oui. Au service public. J'ai un monsieur qui n'avait pas, comment on appelle ça, on lui avait déposé, en fait, les éléments dans sa boîte aux lettres, la convocation en disant qu'ils passeront. Il n'a pas donné signe de vie. Et donc, il s'est retrouvé avec une petite amende. Ah ouais. Qui a fini par être majorée, tout ça. Et puis, à un moment, il s'est dit, bon, je vais quand même y aller. En se disant, bon, ben, je veux bien que vous vérifiez, ouais. Mais il va falloir... il faut m'enlever l'amende. Et on fait bah non. Ah, il a eu l'amende, bah oui. Ouais. Il avait, lui s'est installé, il avait un assainissement individuel. Il avait un assainissement individuel, ouais. Okay. Ouais, c'était installé. Ouais, voilà, quoi. Ouais. Ouais, c'est vrai que bon, quand tu passes auprès de ma maison pour le moment, tu vois bien qu'elle n'est pas habitable et que bah il y a un demi-mur et une moitié de toit, donc l'assainissement individuel va intervenir après. Mais bon, voilà, ils sont quand même passés. Mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est voilà, de les contacter, qu'on me dise bah, que c'était enregistré et qu'on qu'on allait passer le mot et puis finalement bah qu'ils passent quand même, tu vois. Je me dis pour eux c'est pas cool quoi. En tout cas, une fois que vous avez fait tout ça, vous voilà OP pour assainir vos eaux grises. La suite, c'est évidemment de penser à entretenir ou de faire entretenir le système qu'on a choisi, de faire la vidange en temps et en heure et de remplacer également les filtres dans les délais indiqués, donc évidemment selon aussi la solution que vous avez choisie. Et si vous avez besoin de détails concernant toutes les normes à respecter sur l'assainissement individuel, parce qu'il y en a, on suit toujours à ce qu'on appelle un DTU. Et là, c'est le DTU 64.1 auquel il faut se référer. Point 1. 64.1, voilà. Donc vous cherchez DTU 64.1 sur Internet et vous trouverez des renseignements. Tout ce qui est... Alors, c'est très chiant, un DTU, hein, c'est-à-dire c'est vraiment légal. Hein, c'est au vu de, vue 2 et article 1, article 2. Mais en tout cas, vous aurez vraiment toutes les conditions et n'hésitez pas surtout à contacter le SPANC pour avoir des renseignements sur votre installation, ce qui se fait dans le coin et puis même sur les coûts que ça peut... voilà, ce que ça peut vous coûter sur le moment et puis à long terme, selon votre installation. Est-ce que vous aviez des questions ? C'est compliqué. C'est compliqué, ouais, bah alors, c'est... Dans l'idée, quand on schématise, alors je vous ai pas ramené les schémas, mais en gros, on a une cuve, tu vois. Une cuve, alors ça peut être une cuve ou deux cuves ou trois cuves, mais bon, en gros, on a l'eau qui rentre d'un côté, enfin les eaux grises qui rentrent d'un côté, qui sont traitées et puis qui ressortent et qui sont vidangées à un moment donné. Donc, sur le principe, c'est pas compliqué. Non, mais niveau installation à installer, ça voilà, doit être compliqué. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'une part, déjà, l'installation, il faut faire attention à tout ce qui est normatif et puis même les pentes, etc., pour qu'arrivent les détritus. Et puis, d'autre part, oui, encore une fois, l'administration, parce que il faut pas installer n'importe quoi, n'importe où. Bon, ouais. Voilà. Donc c'est toujours ça qui peut poser problème pour le néophyte que nous sommes. Puis surtout pour les pentes, hein. Je me rappelle d'histoires ouais. Où quand tes eaux s'écoulent mal, il faut recasser. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est relou ça. Quoi. Ouais. En fait, à partir du moment où tu vas évacuer l'eau dans ta salle de bain ou ta cuisine, etc., alors j'ai plus les pourcentages, on va regarder pendant la musique, mais il y a un pourcentage, je sais plus si c'est entre 3 et 6%, hein, quelque chose comme ça, par mètre. Qu'il faut conserver pour que tes eaux s'évacuent bien. Parce que si c'est pas le cas, en fait, tu te retrouves avec les tuyaux coincés. Et là, si t'as fait. Alors, très important aussi, hein, pour arriver jusqu'à la fosse, c'est de faire des regards. Des regards qui vous permettent, comme son nom l'indique, de regarder. À un moment donné, s'il y a un problème, vous pouvez. C'est des points que vous faites sur le chemin, hein, entre l'évacuation et la fosse, pour vérifier que tout va bien. Et s'il y a un problème, ça vous permet, au regard le plus proche du problème, de pouvoir intervenir facilement. Donc ça, c'est vrai que des fois, quand on fait les travaux, on se dit, je vais pas investir dans un regard, c'est pas que ça coûte cher, hein, mais on se dit, ça y va, mon tuyau, il est tout droit, ça devrait le faire. Sauf que le jour où on a un problème, et si on n'a pas fait de regard, on est obligé de tout casser pour accéder au problème, donc c'est pas cool, quoi. Je croyais que les regards, il y en avait qu'un. Ah non, on peut en faire autant qu'on veut. On peut en faire autant qu'on veut. Ouais, bien sûr. D'accord. Tu peux en faire un tous les 50 cm, tu peux en faire un tous les 50 cm. Ok. Sans laisser un grand trou, quoi, du coup. Ouais, tu laisses le tuyau apparent, le tuyau translucide, comme ça, tu vois. Comme ça, s'il y a un problème, voilà. Ah, c'est là. Non, mais sans aller jusque-là, mais c'est vrai que c'est important, surtout si vous avez des grandes installations, d'avoir des regards au moins aux endroits où ça bifurque. Parce que comme ça te permet vraiment d'intervenir à cet endroit-là. Ouais, non, tu peux vraiment en mettre. D'aller descendre et mettre une petite ventouse pour déboucher. Par exemple, ouais, pourquoi pas. Ouais. Et je pense qu'il y a peut-être moyen de faire appel au service assainissement de sa communauté de communes ou. Pour intervenir, tu veux dire ? Oui, je pense. Oui. Ouais, ou du moins à titre. Je pense que ça coûte de l'argent, mais. À titre informatif. Ah, pour par exemple, un diagnostic. Si t'as un problème ou un. Ouais. Tu peux faire tes. Alors, un diag, enfin je sais pas. Ouais, je pense que alors ça dépend, mais quand on est sur de l'assainissement collectif, s'il y a un problème avec son ancien tout à l'égout là, on va appeler effectivement la communauté de communes qui va pouvoir intervenir parce qu'on est raccordé à l'assainissement collectif. Quand c'est de l'assainissement individuel, ils vont pas intervenir parce que c'est de l'ordre du privé. Eux, ils vérifient juste que c'est aux normes, que c'est bien fait, qu'il n'y ait pas de fuite, etc. Mais en fait, Théo, je crois que je te raconte des bêtises. Je crois que en fait, le service public n'intervient que si le problème est vient du domaine public. Oui. Donc dès lors qu'en fait c'est sur notre terrain. C'est pour sa pomme. C'est ça. C'est pour sa pomme, mais en même temps, c'est ça qui est c'est drôle entre guillemets, c'est que c'est chez nous, c'est notre responsabilité, mais du coup ils viennent quand même contrôler si c'est aux normes. Ah bah. Eh oui. Oui. Allez. Oui. Parce qu'on oui. fait pas ce qu'on veut sur notre terrain. Voilà. Donc on a pas le droit de polluer le sol. Bon, quelque part, ça se comprend. Hein. Mais ouais. ils viennent contrôler s'il y a pas de fuite, si c'est bien aux normes, etc. Mais par contre, oui, s'il y a un problème, c'est à nous quoi, de faire. Ouais. Et c'est comme ça. Bon, en tout cas, vous avez quelques clés pour. Pour les cuves, est-ce qu'il y a des matériaux différents ou c'est. Non, je. Enfin, je sais pas maintenant parce que tout est normé. En principe, c'est des cuves de plastique. Alors, j'ai pas la matière plastique, mais c'est un plastique qui résiste à toutes ces contraintes-là. Hein. Mais ouais, non, je pense pas qu'il y ait vraiment de matériaux différents. Je sais pas s'il y a des cuves en inox, par oui, exemple. Oui, par exemple, ouais. C'est à ça que peut-être. Je pensais. Oui. Ouais, ou en béton, oui, peut-être ouais, à l'ancienne, ouais. Mais je sais pas si c'est encore. Si c'est encore. Autorisé quoi. Faudrait se renseigner. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas sur le chat, notamment des stars radio sur Twitch. Vous pouvez marquer des petits commentaires. Ou on demandera à notre plombier d'ailleurs tout à l'heure quand on aura Johan. On aura Johan. Je me demande, est-ce que tu peux poser ton assainissement autonome tout seul? Oui. Parce que ton étude de sol, je pense que t'es obligé de faire appel à un professionnel. Ouais, l'étude de sol, ouais. Est-ce que tu peux... Non, tu peux le faire à partir du moment où tu... bah, comme tout d'ailleurs, hein, mais que c'est aux normes et que t'as déposé le projet, que le projet a été validé, que tu respectes ce projet-là, puisque de toute façon, il y a une vérification après, tu peux le faire. Voilà. Après, je vous conseille quand même de faire vérifier l'installation avant d'appeler le SPANC, de faire vérifier l'installation par un plombier professionnel qui va lui vérifier. Et puis c'est pareil, avant de mettre votre cloison en plâtre devant, vérifier que les pentes et les raccords et tout ça c'est étanche et que c'est bien fait. Parce que sinon, ça va vous occasionner des frais supplémentaires. Alors que faire venir un plombier, alors certes, ça sera des frais sur le moment, mais au moins vous aurez la garantie que le système il est nickel quoi. Voilà. Donc, Et toi, tu comptes faire quoi du coup? Ça. C'est-à-dire le faire moi-même, faire creuser le trou, alors certainement par mon charpentier en ce moment qui aime bien faire du terrassement, puisqu'il en a fait pas mal. Donc je pense que je le ferai faire le trou par lui, je vais aménager le trou, je vais faire poser la cuve, certainement faire les raccords, mais je vais faire vérifier tous ces raccords-là par un plombier, ouais, avant de, okay. de le mettre en service. Ok. Voilà pour ce qui était de l'assainissement individuel. On va parler évidemment plomberie, lexique plomberie dans un instant, mais également ballon d'eau chaude, parce que c'est bien d'avoir une évacuation des eaux, mais d'avoir une douche chaude, surtout en hiver, c'est quand même bien sympathique. Donc ça sera avec Angé. Et puis avec toi François, tu vas nous proposer également d'autres alternatives pour avoir de l'eau chaude, autre que le ballon d'eau chaude traditionnel qui consomme beaucoup d'électricité. Faut le savoir, quand on a des panneaux solaires à l'extérieur et qu'on chauffe uniquement par des... Enfin, qu'on a de l'électricité uniquement par des panneaux solaires, eh ben, la solution ballon électrique, c'est pas forcément l'idéal. On le verra dans un instant. C'est Indestar, c'est le chantier, c'est mercredi soir. Profitez bien, les amis. On écoute Hey Brother, la reprise de par Distortion. C'est maintenant sur Indestar. Réfléchir à cette colère, ramassant des algues. Je me pose un instant, tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? Hey bro, staying out of the sky, it is you bro. J'aimerais t'en serrer. Hey bro, staying out of the sky, and it's you, bro. plus me le voir en peinture. Pour ne plus vous emmener les pinceaux dans les méthodes de travaux, suivez le chantier sur Indestar. Ça, c'est quand t'as une voix très aiguë que tu montes si haut. C'est toi ? Non, c'est pas moi, non, c'est l'intelligence artificielle toujours qui fait des miracles. Voilà, c'est une réinterprétation du générique du début, mais version vraiment haute. Le chantier ce soir, on parle évidemment travaux, rénovation d'habitat et plus particulièrement de plomberie. Alors évidemment, on a parlé de tout ce qui était la sortie, c'est-à-dire l'assainissement et plus particulièrement l'assainissement individuel. Mais avant tout ça, le début du commencement, c'est de prendre sa douche par exemple. Et pour prendre sa douche, on aime bien avoir un petit peu d'eau chaude. C'est quand même plus sympa que, même si on est un warrior. Oui, je confirme. Ah, on est d'accord. Ah, alors un mois et demi sans eau chaude. Un mois et demi sans eau chaude. Ah, tu te souviens quand j'ai emménagé? Ah oui, quand t'as emménagé, mais ouais. T'étais pas chez toi, alors ça va. Quand je suis rentré. Oui, prendre ma douche à l'eau froide, tu le sens bien. Ça va, c'était en plein été, au mois de juillet. Quoi? Pas du tout. Moi aussi. Mais pas du tout, moi c'était aussi. Après. C'est super bon pour la santé, il paraît. Exactement. Les douches froides. Horrible. T'as raison. Je l'ai fait, mais c'était horrible. Mais c'est vrai qu'au mois de janvier, c'est quand même. Ah, c'est relou quoi. Sympathique d'avoir un petit ballon d'eau chaude. C'est relou. On va en parler dans un instant, on verra également les alternatives pour avoir de l'eau chaude. Mais avant. Peut-être qu'on aimerait bien se dire qu'on va parler tous le même langage ce soir. Et le langage du bonjour, c'est le plombier. L'arrêt de José. Hein. Voilà. La fameuse. Alors, il y a des termes comme ça qu'on ne peut pas louper quand on est plombier ou quand on parle plomberie. Est-ce que tu nous en as récolté quelques-uns, Brigitte? Oui, quelques-uns. Approche-toi du micro, qu'on t'entende bien. Oui, voilà, comme ça, ouais. Ça va. Ouais. Alors déjà, le terme plombier, est-ce que vous savez d'où ça vient? Le nom plombier. C'est un mec qui a pété les plombs. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais en fait, ça vient du fait que les... Alors, attends. Le terme plombier, voilà. Que les canalisations dont il avait la charge étaient principalement en plomb. Okay, ah, plombier, voilà. Ouais, ok, ouais. Ok. Ce qui n'est plus du tout le cas. Alors, il y a encore des canalisations en plomb qui existent, mais bon, c'est pas très très conseillé parce que le plomb, ça se dégrade au bout d'un moment. Oui. Ouais. Voilà, le terme plombier vient. D'accord, ok, voilà. Très bien. On a appris quelque chose. Hein. Voilà, un mot tout simple, bon, un joint. Donc, c'est une partie qui relie les deux ça tuyaux. Dépend, ça. Qui relie deux tuyaux ou deux conduits. Ouais. Et ce qui permet d'étanchéifier ces deux tuyaux. Un joint d'étanchéité. Le fameux joint d'étanchéité. Parce que je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, maintenant je sais. Ouais. Et une bonde. Ah oui, James? La bonde. James Bond. C'est ce qu'il y a en dessous, le robinet, là, qui permet... c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est une pièce métallique qui est scellée à l'orifice d'écoulement d'un lavabo, d'un évier ou d'un appareil sanitaire. C'est forcément métallique? Oui. D'accord. Je croyais que ça pouvait être en plastique, moi, genre de PVC. En PVC. Ouais. Peut-être PVC aussi. Oui. Oui. Ce serait bon, les bombes modernes. Une clé à tuyauter. Ça, c'est un des outils qui fait partie de la malle indispensable du plombier. Je dois en avoir une, mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Pour serrer les tuyaux. Ouais. Ça permet de passer dans des endroits difficiles d'accès. Oui. Ah oui. Ah, c'est une forme plate et allongée. Mais ça permet de serrer, en fait, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Ok. De joindre deux tuyaux avec le joint au milieu. Quoi. Voilà. Ok. Il y a aussi dans la malle du plombier, il y a la pince à cintrer. Ah oui, c'est pour accrocher ses vêtements, ça. Tout à fait. Non, c'est une pince qui permet de donner des formes arrondies, de faire des angles. Ouais, c'est mieux les formes arrondies pour un tuyau, parce que si tu l'aplatis, le tuyau, il va beaucoup moins bien s'écouler. Ça permet de modeler, en fait. Ah, ok. Voilà. Ah oui, par exemple, pour faire des coudes. Oui, pour faire des coudes. Mais tu dois le chauffer, le tuyau, pour faire des coudes. Certainement. Oui, non, c'est en plastique, par exemple, ça casse. Elle a pas dit qu'elle était plombière. Hein. Non, même en cuivre, hein, parce qu'à l'époque, les tuyaux, enfin, ça se fait toujours, hein, mais en cuivre, tu dois les chauffer pour les tordre. Quoi. Ouais. Donc, après, la différence entre le mitigeur et le mélangeur. Alors, mitigeur, je vois ça. Il mélange dans les deux cas, non le... Parce que c'est ce que tu as, c'est ton robinet où tu mets un peu d'eau chaude, un peu d'eau froide. C'est un mixeur, quoi. C'est, voilà, quelque part, tu mélanges l'association des deux. Mais entre le mitigeur, pour moi, c'est ça. Le mélangeur, je sais pas. Alors, le mitigeur, c'est le mélange d'eau chaude et d'eau froide qui se fait par un seul bouton, okay. Qui est avec une température pré-réglée. Mmh. Et le mélangeur, lui, il nécessite deux boutons. Il y a le robinet d'eau chaude et le robinet d'eau froide. Ah, c'est ce que tu as à l'ancienne, quoi. En fait, tu allumes les deux et tu mixes un peu plus de chaud, un peu plus de froid. Voilà, c'est ça. L'ancienne, on a ça dans les douches encore, hein. Mais ça se fait de moins en moins. Souvent, c'est remplacé par des mitigeurs quand même. Ouais, mais c'est parce que t'habites dans internats, etc. C'est toujours le cas et c'est horrible. T'es toujours là. Ah, c'est trop chaud, c'est trop froid. C'est à toi de faire ton. C'est ça chez moi, c'est l'enfer. Est-ce que t'as pensé, François, à mettre des petits repères? Imagine, tu mets des petits repères, tu vois, comme ça tu sais exactement comment tu fais ton mixage. C'est pas bête, ça. Tu préenregistres ton mixage. Ah ouais, c'est pas bête. J'ai pas pensé. Voilà. Soit toujours trop chaud, soit toujours trop froid. Mais alors les petits repères, ça va quand t'es tout seul. Mais et il vient de dire un truc. Un repère rose, un repère bleu, et puis voilà. Tu viens de dire un truc, mais super intelligent. Je suis choquée. Ok, bravo. Tu feras ça du coup quand tu vas rentrer. Ouais, je pense que définitivement. Ouais. Ouais, un marqueur indélébile, un petit strap. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Un raccord. Bah, un raccord. Bon, facile, oui, ça. On raccorde deux tuyaux. C'est pour raccorder deux tuyaux. Oui. C'est ce que je viens de dire. Ouais. Hein. Bah, ou simplement, des fois, les raccords, ça peut être pour raccorder deux tuyaux, mais ça peut être aussi alors dans les angles ou pour passer d'un diamètre à un autre. Ou, voilà, ça fait plein de choses. C'est une liaison mécanique entre deux tuyaux. Mmh. Faut pas en abuser non plus des raccords. Hein. Parce que forcément. Qui dit raccord dit joint, dit risque de fuite. Plus il y a de raccords, plus il y a de risque de fuite. Forcément. Ouais. Un seul tuyau, normalement, il y a moins de risque. Quoi. Un puisard. Putain, j'ai entendu parler de ça déjà. Ah, pas moi. Puisard, on puise quelque chose de l'eau, du coup, non? Quelque part, oui. Enfin, c'est un système qui est placé au point le plus bas des caves servant à recueillir l'eau, afin de pomper. C'est une pompe de relevage, mais une pompe quoi. Ouais. Oui, il faut une pompe au fond. Oui, voilà, c'est ça. Ok. Donc c'est un système pour ça. Ça s'applique que dans certaines situations, j'imagine, non? Ou c'est tout le temps? Non, ça doit être que dans certaines situations. Ouais. S'il y a risque d'inondation, par exemple, ou de choses comme ça, j'imagine. Un manomètre. Le manomètre, c'est un... c'est un manomètre, quoi. Qu'est-ce que c'est, un manomètre? Pour mesurer quelque chose. Oui, c'est un petit compteur, quoi. C'est ça dans les voitures, les manomètres, sur les tableaux de bord. Mais là, ça doit ça doit pouvoir mesurer la pression. La vitesse de l'eau. La vitesse de l'eau. Si elle est flashée au radar. Oui, tu l'as dit. La pression. Pour la pression, effectivement. Oui, en barre, c'est mesuré en barre. C'est un peu la vitesse, étant donné que ça passe vite. Oui, c'est la pression. Le pompier peut mettre son manomètre à l'entrée, juste après le compteur, pour mesurer la puissance et repérer d'éventuelles anomalies. Ah, ok. On est sur 125 chevaux, c'est pas mal. Une nourrice. Ah, ça c'est pour les enfants. C'est ma mère, c'est ce qu'elle faisait. Je pense à autre chose, mais je pense que ça doit pas être ça. Tu penses à quoi, aux animaux? Non. Non, non. Ah non, c'est autre chose. La nourrice, ça me dit quelque chose, mais je sais. Qui apporte. Je sais plus, c'est à la base de quelque chose. Non. Ce qui amène l'eau. C'est à la base, c'est un collecteur qui se connecte juste à l'arrivée d'eau. Ouais. Hein, et qui après se divise en plusieurs. Ça distribue. Ça nourrit les tuyaux. Ça nourrit les tuyaux. J'allais le dire, mais. C'est intelligent. C'est une base à la sortie de l'eau, puis après il y a différentes qui vont dans les différentes parties du logement. Du logement. Mmh. Voilà. Ok, une nourrice, ça se tient. Et puis j'en ai un dernier. À quoi sert la purge d'un radiateur? Ça sert à enlever l'air. C'est pour enlever l'air, sinon ça passe. Ça fait des bulles, sinon. Voilà. Ouais. Mon radiateur, il est froid. C'est le bonus du dernier. Ouais, sinon, c'est glouglou, c'est chiant. Si ça fait glouglou dans vos radiateurs, faites la purge et ça ira beaucoup mieux. Ouais, c'est pas compliqué à faire en principe. En plus, maintenant, il y a des boutons sur les chaudières qui font de la purge automatique. Parce qu'avant, il fallait au radiateur, il fallait ouvrir, et puis. Les gros radiateurs en fonte, là. Ouais. Par exemple, ouais. Mais maintenant, normalement, après, ça marche ou ça marche pas, mais vous avez des petites purges à faire annuelles, vous avez un bouton, ça marque purge, et puis ça fait la purge. Voilà. Waouh. Et c'est compliqué, la plomberie. Parlons ballon d'eau chaude maintenant. Pour alimenter en eau chaude, on fait comment, Angé? C'est quoi un ballon d'eau chaude? C'est quoi un ballon d'eau chaude? C'est ce que c'est qu'un ballon de foot qui est chaud? Avec de l'eau à l'intérieur, non? Oula, tu es bien rendu compte, mon cher ami. Non, c'est pas ça. Ah bah, un ballon d'eau chaude, c'est tout simplement un réservoir qui stocke de l'eau chaude. De l'eau chaude. Mais comment une utilisation, est-ce qu'elle arrive chaude, l'eau? Bah non. La réponse était non. Alors, un ballon d'eau chaude, ça a plusieurs fonctions. Enfin, ça a plusieurs fonctions et il y a plusieurs choses sur un ballon d'eau chaude. Par exemple, il y a un thermostat. Oui. Un thermostat. C'est-à-dire que tu règles en fait l'eau à laquelle tu veux que ça sorte. Voilà, ça permet de contrôler l'eau, ça assure une température que tu veux. En général, c'est entre 50 et 60 degrés Celsius. D'accord, ça c'est le 60. C'est un peu chaud, hein. Faut pas mettre la main dedans. Hein. Oui. Ouais. Ça sort pas à 50 au bout du robinet. Hein. Non, et d'ailleurs, je vous conseille plutôt de mettre à 50 plutôt qu'à 60 parce qu'en fait, finalement, après, vous allez faire votre petit mixage, mais le surplus de température, en fait, vous allez le payer en électricité. Ouais. C'est exactement ce que je me suis dit récemment en venant dans le logement, et du coup, j'ai décidé de baisser à 35 de 50. Et l'eau était froide sous la douche. À 35, il a gueulé sous la douche. Non, 35, c'est un peu froid. Ben oui, parce que ça se mélange. Et puis, tu l'as dit, il y a la distance des tuyaux quand même. Et j'ai fait oups. Bon, bah, du coup, j'ai remis. J'avais mis à 2. Non, j'avais mis à 35, mais c'était froid. Donc, du coup, 37, bah, j'ai entendu couiner d'un coup. J'ai fait ah bon, bah, je vais peut-être remettre en fait. Hein. Ah, parce que tu l'as fait pendant qu'il était sous la douche. Oui. Ah, bah oui, c'est génial. Je vais faire des économies. Oui. Et ça fait ça. Alors, j'imagine que c'est avec la nourrice. C'est-à-dire que si la nourrice, elle distribue de l'eau, et peut-être que je dis une bêtise. Mais si elle distribue de l'eau chaude, quand on prend, vous savez, quand il y a le conjoint ou peu importe dans la famille qui va ouvrir, qui va faire la vaisselle en même temps, et ben en principe ça fait de l'eau froide. Et là t'es là sous la douche, t'es bien, et d'un seul coup, déjà t'as le débit qui descend, et en plus c'est tout froid, t'es là. C'est horrible, c'est horrible. Voilà. Maman le faisait tout le temps à l'époque. Mais elle aimait ça. Et c'est, tu sais, c'est pile poil au moment, elle touche pas au robinet, rien du tout, pile poil quand tu fais la douche, allez hop. C'est le bon moment. Angie est en train de prendre sa douche. Allez, allons-y. Ah bah, c'est abusé. Hein. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, le chauffage, bah, comment on chauffe l'eau? On chauffe les ballons d'eau chaude. Je crois que c'est une résistance. Bah oui, c'est ça. Il y a une résistance soit électrique ou un brûleur de gaz. Ouais, ok. L'eau à l'intérieur, c'est pour chauffer l'eau à l'intérieur. Oui, parce qu'il y a différents ballons d'eau chaude et notamment ceux qui sont à gaz. On va revenir là-dessus. D'accord. Effectivement, ouais, je vous expliquerai les coûts, tout ça. D'accord, super. Très rapidement. L'isolement, le ballon, il est. L'isolation. Non, isolement. L'isolement. L'isolement du ballon. L'isolement. L'isolation. L'isolation. Oui, bon, l'isolation, s'il vous plaît. L'isolement, ça veut dire que tu l'as mis tout seul au bout du jardin. S'ennuie, c'est l'isolement. Moi, je le mets à l'isolement si j'ai envie, d'accord. Alors, le ballon est isolé pour maintenir la chaleur de l'eau. Oui. Réduisant ainsi les pertes de la chaleur. Oui. Il stocke de l'eau chaude jusqu'à ce que celle. Je sais plus lire. Jusqu'à ce que celle. Celle-ci. Je sais pas dire, ça nécessaire pour la douche, les éviers ou d'autres besoins, quoi. Jusqu'à qu'elle atteigne sa température que tu avais demandé. Donc c'est 35 degrés c'est ou 50 degrés ou 60 degrés. Tu tournes au chaud et puis quand t'en as besoin, pshht, hop là, c'est ça. Et plus que ça, parce qu'elle a un maintien de température, c'est quand même un peu les poils, etc. Oui. À un moment donné, ça refroidit et puis là, hop, ça rouge. Oui, effectivement. Et quand tu refermes le robinet et que tu veux le rouvrir tout de suite, tu sais, quand tu veux par exemple mettre ton shampoing, tu coupes l'eau, tu rallumes l'eau, elle est froide. Ah non, ça c'est pas ça. Ça c'est parce que ça met du temps à revenir dans ton tuyau. Alors que là, le fait que ça baisse en température, c'est simplement qu'à un moment donné, ça stoppe le chauffage. Donc l'eau, elle est à une certaine température, elle va descendre. Et puis quand ça atteint un seuil bas, ça réchauffe pour maintenir toujours à température. C'est froid. Ouais. D'ailleurs, il y a un temps, quand tu allumes ta douche, entre le moment où tu mets l'eau et le moment où tu reçois l'eau chaude, il y a toujours un temps, selon la disposition de ton ballon d'eau chaude. Il faut faire chauffer l'eau. Il faut avoir le ballon d'eau chaude le plus près possible. Pour chauffer l'eau. Exactement. Ouais, c'est bien d'avoir le ballon d'eau chaude juste à côté. C'était le cas, par exemple, quand j'étais à l'appart, ce qui fait qu'en 10 secondes grand max, t'avais de l'eau chaude. Alors que toi, chez toi, Brigitte, il faut attendre 30 secondes, parce que c'est au sous-sol, c'est chiant. Pas de ballon d'eau chaude d'ailleurs, c'est une chaudière, mais. Au niveau de la distribution, c'est simple. Hein. Lorsque tu allumes un robinet, l'eau chaude est distribuée à partir du ballon, à travers les tuyaux, jusqu'à un point d'utilisation. Jusque-là, ça va. En résumé, le ballon d'eau chaude, il stocke l'eau chaude pour une utilisation ultérieure. Faut bien le dimensionner, ça aussi. Hein, on parlait de la fosse tout à l'heure, mais si vous êtes tout seul, ça sert à rien d'avoir un ballon d'eau chaude de 300 litres, quoi. Parce que ça va vous le chauffer. 300 litres, c'est énorme. Mais c'est surtout, ça va vous le chauffer, etc. Par contre, à contrario, si vous avez une grande famille, si vous avez un tout petit ballon d'eau chaude, dernier qui prend sa douche. Elle va prendre sa douche, elle va prendre le shampoing, le fils. Et puis quand tu passes dans la douche, tu vois, t'as de l'eau froide. Voilà. Et quand t'as 10 frères et soeurs, c'est mort. Oui. Faut pas prendre la douche aux mêmes horaires de la journée, tant que le ballon il réchauffe après. Au niveau de l'installation. Oui. Au niveau de l'installation, un ballon d'eau chaude en général, déjà faut demander à un professionnel. Oui. Mieux demander un professionnel. Après, on peut le faire soi-même. Hein, mais ouais. Bah déjà, tu peux étudier ton besoin, mais c'est vrai lourd. Que... Ah oui, de ramener toi-même le ballon d'eau chaude. C'est lourd, hein, vaut mieux demander de l'aide. Hein. Oui. En général, il est fixé au mur, au sol. La collection des conduits d'eau chaude et froide, ainsi que le raccordement électrique au gaz, c'est selon le type de chauffage qu'on veut. Quoi. Ouais. Si c'est électrique, c'est juste la prise, une prise électrique, mais je crois que normalement cette prise électrique doit être une prise électrique dédiée. Ça doit être spécial. Ouais, c'est ça, avec un ampérage. Maintenant, quand on fait le tableau électrique, on en avait parlé la dernière fois, mais il y a une prise électrique spéciale pour le ballon d'eau chaude. Ouais. Puis il faut le mettre dans un endroit où c'est assez ventilé et où c'est accessible pour l'entretien. Ouais, tout à fait. Et puis si possible d'ailleurs, c'est valable pour toutes les prises de la salle de bain, mais mettez-les en hauteur, les prises. Parce que en plus, le ballon d'eau chaude, au bout d'un moment, il rouille, il pète, et si vous avez la prise qui est au sol, tu vas faire peur à François André. Non, oui, tu disais en antenne que ton chauffe-eau il avait combien, 40 ans, 50 ans, 50 ans, 50 ans. 50 ans, il a été posé, je crois que 54 ans même. Ouais, normalement, c'est 15 ans à peu près la durée de vie d'un ballon d'eau chaude. Mais tu vois qu'il a vécu, mais il marche. Ouais. Il marche. Il y a du trou avec des scotch. Quand il nous a dit ça, on a fait. Ah. C'est comme ça pour tout le logement, tout a été fait comme ça. Ouais. Mais c'est très marrant parce que maintenant tu peux voir sur l'application EDF. Ta consommation d'électricité, d'où ça vient. Et nous, il consomme pas mal. Oui, alors ça consomme beaucoup un ballon d'eau chaude. Oui. Un ballon d'eau chaude électrique consomme énormément d'électricité. C'est pour ça que, le gaz, tu vas peut-être en parler. Il y a plusieurs alternatives, il y a plusieurs types de ballons d'ailleurs. Il existe différents ballons d'eau chaude, notamment donc, l'électrique, le gaz, le solaire et le thermodynamique. Oui. Alors le solaire, moi j'hésite à en mettre un. Pour le coup, c'est tout bête. C'est-à-dire qu'on a le ballon d'eau chaude qui en principe se situe pas du tout dans la salle de bain, mais sur un toit. Alors il peut être déporté, mais c'est mieux s'il est sur le toit puisque le soleil tape directement dessus, donc ça le chauffe de manière naturelle. C'est relié à un panneau, alors pas photovoltaïque, mais dans lequel circule un liquide spécial qui chauffe mieux que si c'était de l'eau qui circulait et qui du coup avec la chaleur du soleil va chauffer l'intérieur du ballon d'eau chaude. C'est pas mal. Après, je me pose quand même la question de savoir si c'est suffisant pour nos régions. Voilà, vous habitez dans le sud de la France, je pense que ça pose aucun problème. Ouais. Au Portugal, par contre, si vous êtes à Lille, à Dunkerque, à mon avis, c'est plus compliqué. Dans le nord. Dans le nord. Mais en fait, je suis en train de me renseigner, savoir si on peut le coupler. C'est-à-dire que si on peut mettre, par exemple, un ballon d'eau chaude solaire avec un gaz. Parce que il faudrait deux ballons d'eau chaude, du coup. Oui. Non, pas deux ballons d'eau chaude. Un ballon d'eau chaude et un chauffe-eau à gaz. C'est-à-dire que le fruit de mon eau du ballon d'eau chaude... C'est que le gaz, ça coûte super cher. Ouais, mais c'est moins que mon électricité que j'ai pas, tu vois, quelque part. C'est pas faux. Ouais. Et en même temps, mettre qu'un chauffe-eau à gaz, j'ai peur que ça consomme trop de bouteilles de gaz, puisque je suis pas connecté au gaz de ville. Donc je me dis peut-être qu'en couplant les deux, ça peut me permettre de fonctionner. Alors... La douche froide. T'as des réponses à ça. Ouais, j'ai des réponses à ça. Et en fait, concernant le chauffe-eau solaire, il disait en fait que c'était plutôt bien d'avoir une alternative, enfin quelque chose de complémentaire à côté. D'accord. C'était pas mal. Mais est-ce qu'on peut le coupler pour toi ou c'est vraiment genre un système ou l'autre quoi? Non, je pense que tu peux les coupler hein. Ouais. Ok. Ouais. Que je me dis si mon eau par exemple, je dis une bêtise hein, mais arrive à chauffer à 35 degrés dans mon ballon de chauffe-eau solaire. Après, elle passe dans mon truc à gaz, là, mon chauffe-eau à gaz. Oui. Et du coup, j'ai moins de consommation de gaz nécessaire, puisque j'ai juste de la chauffer de 35 à 50, par exemple. Oui, sur les infos que j'ai trouvées, en fait, c'était que... Il mettait que ça nécessitait même de disposer d'un équipement complémentaire. Ah ouais, ok. Parce que l'équipement, le chauffe-eau solaire, en fait, va permettre de couvrir 50 à 80% des besoins en eau chaude. Ouais. Ouais. Voilà. Puis le problème du solaire, ça c'est valable dans tout, hein, c'est que en été. Il faut du soleil. Il faut du soleil. C'est un coup aussi. En été, t'as plutôt envie d'une douche tiède, quoi. Et là, t'auras de l'eau brûlante, qui sera mixée avec ton eau froide, donc ça ira, hein, mais voilà. Mais tu pourrais avoir de l'eau brûlante. Par contre, en hiver, où tu te dis, je me prendrais bien une bonne douche chaude. Ah ouais, mais bon, il fait moins 20 dehors et t'as pas eu de soleil toute la semaine, donc ton ballon d'eau chaude, peut-être que ton eau elle est à 15 degrés. Donc oui, là c'est bien d'avoir un complément. Ok. T'avais d'autres alternatives à nous proposer, François ? Ouais, j'ai des petites alternatives à vous proposer. En fait, j'en avais que deux pour tout vous dire. J'en ai plus qu'une. Ah oui, non, mais le chauffe-eau solaire, très bien. Ouais. En quelques mots, j'ai le chauffe-eau, du coup, Andrzej en parlait, thermodynamique. Ouais. Donc en fait, ça utilise les calories de l'air ou du sol géothermique, oui, pour produire de l'énergie et chauffer de l'eau de manière écologique. Mmh. Voilà. C'est marrant ça, parce qu'en fait la géothermie, donc le fait de puiser dans la terre, enfin, en fait là on parle d'électricité, on parle de solaire, on parle de géothermie. En fait, ce sont des systèmes qui servent et pour l'eau, mais aussi pour le chauffage central, ouais, de la maison. Ouais, ouais. Ouais, effectivement. Mmh. Ça permet en fait de réduire la facture énergétique en consommant moins d'électricité, ouais, qu'un chauffe-eau classique, grâce à l'utilisation d'une énergie qui est renouvelable. Il existe, ouais, différents modèles de chauffe-eau thermodynamique. Certains se fixent au mur et d'autres disposant d'un socle. Ouais. Et ils peuvent capter l'air extérieur ou utiliser l'air ambiant intérieur pour fonctionner. D'accord. Les avantages d'un chauffe-eau thermodynamique sont qu'il est économique et écologique, performant, chauffant rapidement l'eau tout en préservant bien sûr l'environnement. Ouais. Avant d'opter par contre pour ce type de chauffe-eau, il faut avoir un espace qui soit suffisant. Visiblement, apparemment, minimum 10 mètres carrés. Notamment... Tu peux être en appart. Sinon, les voisins, tout ça, ils vont pas kiffer. Notamment pour les modèles géothermiques qui nécessitent un terrain vaste pendant, ouais, l'hiver, il faut prévoir l'installation d'un chauffe-eau. D'appoint, ouais, pour compléter son fonctionnement. Et alors, surtout sur la géothermie, faites appel à un pro. C'est hyper important. J'ai vu un reportage dans l'Est de la France, et c'était un monsieur qui avait fait appel à des professionnels pour faire de la géothermie. Et sauf que les professionnels n'étaient pas compétents. Ils ont creusé, sauf qu'il y avait une nappe phréatique sous la maison, sur la maison. Ils n'avaient pas fait d'études de sol, ça a été creusé comme ça à l'arrache. Et du coup, la nappe phréatique a éclaté. Ouais, j'ai parlé la dernière fois. Et du coup, tout le village et même les villages en environnement ont des mouvements de terrain, et du coup toutes les maisons sont à écrouler, en gros. Ah oui, non, c'est... Je rigole jaune. Non, quoi? Ouais, vraiment, vraiment. Il l'avait dit la dernière fois. En fait, non, ça fait bouger l'ensemble des habitations existantes, et voilà. Et heureusement, quelque part, que ce mec-là avait fait appel à une société. Donc, alors, je dis heureusement, en même temps, il a tout perdu comme ses voisins, hein, mais au moins il est couvert par l'assurance, parce que s'il avait fait ça lui-même, t'imagines la tête des voisins, je pense qu'il serait mort, le mec. Hein. Voilà. Je pense à l'assureur du de l'entreprise. Ah oui. Il a dû faire la gueule, putain. Un petit peu, je pense. C'est vrai qu'on rigole, mais en vrai, si vous habitez dans cette région-là, c'est vraiment pas drôle, parce que les pauvres, chaque mois, ils voient le truc qui s'enfonce et leur maison qui est en train de se fissurer de partout. Donc c'est pas très cool pour tout ce petit monde-là. T'avais des idées de prix, Andrzej, concernant les heures de chaude? Oui, effectivement, oui. Pour les alternatives que j'avais proposées, enfin les alternatives, il y a plusieurs sortes de ballons d'eau chaude, ouais, on s'entend bien. Attendez, mise au point. Hop là. Pour un ballon d'eau chaude électrique, alors attention, ça va prendre avec des pincettes, hein, les prix, hein, je les ai trouvés. Ah non, t'as dit que c'était lourd, il faut prendre avec des bras. Oui, en effet. Pour un ballon d'eau chaude électrique, qui va utiliser une résistance électrique, du coup, pour chauffer de l'eau, on va se situer entre 300 et 1000 euros. Ouais, c'est pas très cher, mais après, la consommation non, c'est derrière. C'est plus la consommation derrière qui va être effectivement plus chère. De toute façon, il y a les crescendo, hein. Le ballon à gaz, du coup, c'est utiliser un brûleur à gaz pour chauffer l'eau, ouais, et sont généralement plus économes en énergie que le ballon électrique. Par contre, on se situe entre 500 et 1500 euros. Ok, donc ça reste raisonnable. Ça reste encore, assez, hein, raisonnable, mais bon, le gaz étant en augmentation, ouais, mais comme l'électricité, ça coûte cher. Ouais, ouais. Effectivement. On a le ballon solaire, du coup, qui utilise l'énergie solaire, effectivement. C'est plus 3000 balles, non ? C'est une option qui est écologique, ouais, mais qui s'y situe entre 2000 et 6000 euros. Ouais, quoi. C'est ça, ouais. Là, on est vraiment, on a dépassé le cap des. Par contre, là, tu vois, le solaire, c'est un investissement initial, mais après, c'est zéro. Hein. Oui, bah oui, c'est ça. Quand on, oui. C'est un gros investissement le tout de suite. Mais sinon, c'est, bah, oui. C'est un gros investissement, voilà. À condition, comme tu disais, Théo, qu'on soit dans une région où il y a pas, oui, mal d'ensoleillement. Sinon, les boules, quoi. Si on est à Marseille, c'est un gros investissement, ouais, pour. C'est pour ça, encore une fois, si vous avez des démarchages téléphoniques et que vous habitez à Dunkerque et qu'on vous propose un chauffe-eau solaire en disant, ah, c'est génial, c'est la prime Rénov bidule qui va rentrer en jeu, ne le faites pas parce que déjà, ça va quand même vous coûter de l'argent et en plus, vous aurez en retombée, ça sera zéro, quoi. Donc, faut être assez logique dans ses choix. Et pour ce qui est du ballon, du coup, thermodynamique, donc ça combine l'énergie électrique et l'énergie de l'air ambiante pour chauffer l'eau. Bah, là, on se situe entre 1500 et 4000 euros. Entre les deux, ouais. À peu près. Hein. J'aime bien le nom, ça fait thermodynamique, tu vois, ça, c'est punchy, ouais, comme nom. T'as envie d'acheter un ballon, non pas classique électrique, mais thermodynamique. C'est la Rolls Royce. C'est la Rolls Royce du ballon. Exactement. Professionnel, quoi. Ok. Mais attention, c'est important de prendre en compte les coûts supplémentaires, l'installation par un professionnel, oui, oui, les, oui, raccordements, les modifications éventuelles, etc. Enfin, il y a plein d'autres coûts à prendre en compte. Là, on parle vraiment du ballon d'eau chaude, etc. Il n'y a pas tout ce qui est installation, etc. Non, bien sûr. Mais après, si vous remplacez votre ballon d'eau chaude, par exemple, François, alors t'es pas propriétaire, mais si t'étais propriétaire, tu récupères la maison, tu veux changer ton ballon d'eau chaude. Si tu veux changer ton ballon d'eau chaude par un même système, en principe, tu débranches, t'enlèves ton ballon, tu remets ton ballon, tu rebranches et terminé, quoi. C'est bien, pas forcément à tout refaire, non plus, sur ton installation. On aura Johan dans quelques minutes. Johan est plombier et nous parlera de son métier. Mais avant, on va écouter un bootleg, un mashup. C'est pour se faire plaisir, ça, Angé, on a du Pink à l'intérieur. Du Pink qui est mélangé avec du Adele. Quoi ? Bah si, bah, Pink et Adele en même temps, ça fait, oui, mais ça, non, ça fait la paire. Tu mélanges pas une Twingo et une Rolls Royce. Si, on mélange que du bon, Pink et Adele. Désolé pour tous les gens qui viennent. Désolé pour tous les gens qui adorent Adele. Non, mais j'adore Adele, mais on mélange pas. Bah si, on mélange. C'est comme l'huile et l'eau, ça ne se mélange pas. Mais ça se mélange très bien. Ça s'appelle Easy on Me versus All Out of Fight et c'est maintenant sur Indestar, évidemment. Indestar. Bonne soirée sur Indestar. J'espère vraiment que tout le monde va bien, c'est Radjou. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Indestar. Je vous découvre et c'est top ce que vous faites. C'est super. Merci. Merci. Merci. Merci. Génial. Franchement, on changeait pas. Merci, Indestar. Bon, ça y est, les enfants sont couchés, on va pouvoir écouter notre émission. Oui, mais il est un peu tard, tu ne crois pas ? Pas de problème, je vais sur indestar.fr, rubrique podcast, ou sur n'importe quelle appli mobile de podcast. Je cherche l'émission et hop, c'est comme si on voyageait dans le temps et qu'on se retrouvait au début de l'émission. Indestar, là où tout commence. C'est génial, ça veut dire qu'on peut faire un troisième enfant ? N'exagère pas quand même. There ain't no gold in this river. That I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to swim when I am drowning in this silence. Baby, let me in. I'm all out of fight. Two broken parts from the same old junkyard, battered and bruised, and we tried so goddamn hard. There ain't no room for things to change when we are both so deeply stuck in our ways. You can't deny how hard I've tried. I changed you. First, but now I give up. Oh, On me et Out of Fight sur Indestar, c'est un bootleg. Le chantier, c'est sur Indestar, une émission proposée par des animateurs qui ne valent pas un clou. Oh, ça va, vous vexez pas, c'est une vanne pour mon prochain spectacle. Enfin, quand je ferai un spectacle. Ouais, on fait déjà un spectacle et puis on en reparle. Bienvenue sur Indestar et bon mercredi soir. Si vous êtes sur Twitch Indestar Radio, vous verrez, il y a des baguettes de pain qui traînent dans le studio parce que, évidemment, un boulanger peut en cacher un autre. Il y a Teddy qui est arrivé. Salut Teddy. Salut tout le monde, ouais. Salut l'équipe. Ça va bien? Salut tout seul. Ouais, ça va, ça va. Je sors d'un atelier pain justement. Ah bah voilà, t'avais fait du pain, tu nous as ramené du pain au studio. Je suis en train de le dégommer. J'ai vu de la lumière et j'ai vu que ça parlait de tuyauterie. Exactement, on parle plomberie ce soir puisque c'est le thème du chantier de ce mois. Et à ce propos, on a Johan qui est avec nous en ligne. Johan qui est plombier. Bonsoir Johan. Bonsoir. Johan, bienvenue sur Indestar. Tu es plombier dans la vie. J'ai envie de commencer par une question astérixienne. Qu'on dit à chaque fois. C'est une bonne situation ça, plombier? Très bonne. Très bonne, d'accord. Donc d'un point de vue de quoi? D'un point de vue salaire, mais est-ce que en termes de conditions de travail, de tout ça, est-ce que c'est sympa d'être plombier? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes moins sympas que d'autres. L'hiver, les démarrages de chaudières qui marchent pas très bien, les trucs comme ça qui sont un peu relous, mais sinon c'est des journées plutôt normales, on va dire. Ouais. Et avec un bon salaire. C'est quoi une journée normale, justement, une journée type d'un plombier, les cas les plus fréquents que tu dépannes? Alors, en dépannage, ça va être plus, par exemple, des chaudières qui démarrent pas pour X ou Y raison, une pièce défectueuse, ouais. Ou une mauvaise livraison de granulés ou de gaz ou de n'importe tout ça. Ok. Et après, ça peut être des radiateurs très souvent qui dysfonctionnent. Ok. Pour il y a une bulle d'air qui se promène. En termes de plomberie pure, de l'eau sanitaire, c'est très souvent des toilettes, des chasses d'eau qui sont HS. Ouais. Bah ouais. Des ballons d'eau chaude percés. Et c'est globalement tout. Le reste, c'est plutôt rare. Bientôt chez François, le ballon d'eau chaude percé. Au bout de 50 ans, on est d'accord, 50 ans pour un ballon d'eau chaude, c'est beaucoup, hein. Trop. À une époque, c'était normal. Ah, ok. Ouais, c'est parce que maintenant, c'est... Oui, d'accord, ok. Maintenant, ça change beaucoup comme tout. Il y a depuis 15 ans, maintenant, les chauffe-eau, c'est fait pour durer 10 ans et pas plus. Ouais, d'accord, ok. Oui, donc bah, ça, il est pas mal, son chauffe-eau. Bah oui, si c'est de l'ancienne génération, mais c'est il comme est tout. Il est tout neuf. Non, parce que je le racontais, Johan, que chez moi... Oui, oui. Ouais, je t'avais raconté ou pas? Que mon proprio change la résistance depuis 50 ans du chauffe-eau. Bah ouais, mais en même temps, voilà, c'était les bons modèles, ça, mon petit monsieur. Oui, non, c'était les bons modèles, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Oui, mais un jour ou l'autre, ça va plus marcher. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, parce que là, tu nous parles de chasse d'eau, tu nous as parlé de chauffage. Est-ce que tu peux nous faire un petit condensé de tout ce qui concerne le domaine de la plomberie, qu'on comprenne bien ce que ça englobe? Alors, c'est tout ce qui est le cheminement de l'eau en règle générale. Mmh. Pour tout ce qui est chauffage, c'est aussi tout ce qui est climatisation, le traitement d'air. Ok. Il faut des diplômes particuliers pour traitement climatisation ou ça rentre dans le cadre d'un plombier qualifié normalement? Qualifié normalement, oui. En fait, faut que c'est à l'entreprise d'avoir des comment on appelle ça, des certifications, RGE, tous ces trucs-là, des habilitations, voilà. Ouais, ouais. Après, l'ouvrier doit en avoir aussi, mais il peut le faire même s'il les a pas, si il sait le faire et que l'entreprise l'a. D'accord, ok. Une partie, hein, pas tout, mais globalement, la majeure partie, c'est ça. Ouais, donc ça va en fait de l'alimentation en eau à l'évacuation jusqu'à la fosse toute eau en sortie ou l'assainissement collectif? Tout le cheminement de l'eau en règle générale, d'accord. Et de l'air. D'accord. L'eau en 90% du boulot, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Ça t'est déjà arrivé de tomber sur un chantier un peu relou, des choses que t'as pas l'habitude de faire et qui sont complexes ou dans un environnement particulier? Dans des environnements particuliers, oui. Après, des choses complexes, tout ce qui est méthanisation, on va dire. Ah, oui, on en parlait l'autre fois, la méthanisation, oui. Ça, aux eaux de Beauval, notamment. Oui, bah là, par exemple, là, c'est pas loin, mais c'est des centrales de méthane. Mm-hmm. C'est un peu particulier à faire, on n'en fait pas souvent. Ouais, c'est parce qu'on n'en fait pas souvent ou ça demande des compétences particulières ou c'est quoi la difficulté? En fait, le principe, c'est pas quelque chose de très particulier. Mmh. C'est pas pour nos tuyaux à nous, je veux dire. Mais comprendre ce qui se passe dedans pour savoir comment bien le mettre en place, tout ça, il faut qu'il y ait quelqu'un qui sache quand même. C'est ouais. Différent. D'accord, ok. Les outils. Est-ce que, parce qu'on a parlé un petit peu tout à l'heure avec Brigitte qui nous a présenté, c'est quoi la pince à... Il y avait quoi la pince à sortir? Non, je ne sais plus. Ouais, il y avait deux, trois outils. Quels sont tes outils favoris au quotidien? De quoi tu te sers le plus souvent? Les paires de pinces. Paires de pinces? Ouais, de toutes sortes en fait. Les paires de pinces multiples, clé à molette, ça c'est ce qu'on se sert globalement le plus. Après, tout ce qui est tournevis, c'est fait banal. Ouais. Et après, en outillage, on va dire électroportatif, électrique, tout ça, on a presque tout en fait. Ah oui, ok, tu te sers à peu près de tout. On doit couper de la ferraille, du bois, donc tout ce qui est tout engin de coupe, tout engin de perçage en règle générale, et puis après les cintreuses, les pinces à sertir, tout ça. Mmh. Ouais. Et Johan, alors nos auditeurs ne le savent pas et mes collègues sur le plateau non plus, mais en fait il a refait sa maison quasiment de A à Z. Pour ton assainissement, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es branché au collectif ou est-ce que tu as... Le tout à l'égout. Au tout à l'égout, ok. C'est des travaux que tu as fait faire par une entreprise ou par toi-même? Non. L'entreprise, il n'y a aucune entreprise qui est venue à la maison. Il n'y a pas d'entreprise à la maison. Ah, c'est bien, c'est bien. Et oui, tu as tout refait de A à Z. Tu as acheté la maison, c'est toi qui l'as fait construire. J'ai acheté une maison qu'on a écroulée avec François. Ok. Ah, mais oui, mais François, alors, je croyais que c'était ton premier mur. Non. Ah, t'as pas écroulé les murs, chez lui. Il y en a eu d'autres. Ok. D'accord. Oui. On a tout écroulé. Après, on a refait des fondations, le vide sanitaire et toute la maison complète. Ah, oui. Ah, oui, t'es vraiment reparti de zéro, quoi. Oui. On est parti. Il y avait une maison qui n'existait plus et on était moins un, quoi, on va dire. D'accord. Ok. Ah, très bien. Bravo. Et en combien de temps, si c'est pas indiscret? Alors, c'était période Covid. Ouais. Donc, comme c'était une période où on pouvait moyennement circuler, ça a pris 2 ans. Normalement, sans Covid, je pense en à peine un an, en travaillant les week-ends et le soir, c'était fini. D'accord. Ouais, c'est ça qui était un peu embêtant pendant le Covid, c'est qu'en même temps, on avait du temps, mais en même temps, on pouvait pas aller au magasin pour aller chercher les matériaux qu'on voulait. Donc, c'est le problème des matériaux, le problème aussi de la livraison du béton. Oui, ouais, tout était bloqué. La bétonnière, quand on fait 1 mètre cube, ça va, mais quand il commence à en avoir 15, 16, c'est à la toupie. Oui. Et il livrait pas pendant le Covid. Ouais. Plein de choses comme ça qui étaient un peu compliquées. D'accord. Concernant les façons de faire, de travailler en plomberie, est-ce que ça a évolué ou est-ce qu'on fait de la plomberie aujourd'hui comme on en faisait dans les années 50? Non, ça a beaucoup évolué. Ouais. Avant, on était très sur la ferraille, les gros diamètres en ferraille. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, en 15 ans, j'ai dû en faire 2 fois sur un chantier, je veux dire. Ah oui, ça se fait plus. Ça se fait presque plus, sauf dans tout ce qui est les hôpitaux, les grosses installations. D'accord. Pourquoi dans les hôpitaux, par exemple, ça se fait encore? C'est parce que c'est plus résistant à long terme ou... Non, c'est pas ça. C'est pour une histoire d'étude de l'eau, en fait. Ouais. Les diamètres en acier des tuyaux sont beaucoup plus gros. D'accord, ok. Un tuyau en cuivre, au-delà de 40, c'est pas... Ouais. Il n'y a pas. Et des fois, il y a des tuyaux qui demandent du 90 ou même plus. Ah, ok. Ouais, c'est pour les grosses alimentations. Et après, il y a des nourrices qui distribuent. C'est ça. Ouais, j'ai retenu. Exactement. On va parler de nourrices tout à l'heure et de d'autres termes. J'apprends. Ok, très bien. Et alors, imaginons qu'on veut se lancer dans l'opération. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'assainissement individuel. Là, on parle de plomberie en règle générale, le ballon d'eau chaude aussi. Qu'est-ce que tu conseillerais de on pourrait se dire, allez, on fait nous-mêmes. Et qu'est-ce que tu conseille de plutôt faire appel à un professionnel comme toi? Alors, c'est pour l'assainissement, hein, on parle. Ouais. Pour l'assainissement, même l'approvisionnement en eau, hein, d'une manière générale. Hein. Alors, l'approvisionnement en eau, on a pour le tout ce qui est compteur, tout ça, on n'a pas le choix. C'est pas un plombier qui le fait. Ah, c'est le distributeur, genre Veolia. Ouais. Genre Veolia, genre la CIAP. D'accord. Ces choses-là, en fait, il pose le compteur. Le plombier, il intervient après compteur. Ouais, ok, ok. Ouais, c'est comme en électricité. Nous, on n'a pas le droit de toucher au compteur. Ils mettent des plombs. On n'a pas le droit d'y toucher. Ok, très bien. Et donc en fait de là après en soi c'est juste dérouler un bout de tuyau. Maintenant ça a évolué, du coup c'est plus comme avant où c'était des tuyaux d'acier tout le long. Maintenant c'est un PE, un PER, donc un tuyau en plastique qui va jusqu'à l'intérieur de la maison depuis le compteur. Ok, c'est obligatoirement du PER. C'est le plus courant. Non, ça peut être autre chose, ça peut être du cuivre, ça peut être du multicouche, ça peut être plein de choses. Okay. Le plus courant, c'est le PER parce qu'on arrive à faire un assez gros diamètre en étant moyennement souple. D'accord. Donc à la main, c'est une couronne qu'on déroule et puis ça va vite, c'est bien et c'est résistant aux intempéries si c'est à 60 cm dans le sol. Oui, il faut, faut que ça soit mis dans de bonnes conditions. C'est hors gel, mais la terre va pas l'abîmer, donc il y a souvent un fourreau quand même, mais il va moins s'abîmer qu'un bout de cuivre dans le sol qui va s'abîmer. Ah ouais, je pensais que le cuivre était plus résistant, tu vois. C'est un bout de PE, les gros PE noirs, là, c'est plus résistant qu'un bout de cuivre pour l'extérieur dans le sol. D'accord. Ok, très bien. Ok, donc ça c'est l'alimentation en eau. Donc toi, tu conseilles plutôt d'intervenir en tant que plombier sur cette partie-là jusqu'à Les raccords enterrés en fait. Les raccords enterrés, tout ce qui est pas accessible. Ouais. Ok, d'accord. Et que c'est des raccords qu'une fois que la cour est faite, faut tout défoncer pour le retrouver. Forcément. Ça serait horrible et mal serré. Le problème, c'est que ce tuyau-là, alors à part si on met une vanne au bout qu'on le met en eau tout de suite dès qu'on l'a mis en place. Mais souvent, les gens mettent en eau, s'ils ont un autre point d'eau quelque part sur le chantier, ils mettent en eau quand ils mettent toute la maison en eau. Oui. Le problème, c'est que si du coup, il y a une fuite là, bah, quand toute la maison est en eau, il y a déjà le placo fini, il y a une grande partie de fête. Ouais, et il faut tout casser et tout refaire, ouais, on est d'accord. Et ça demande un entretien après, une fois que c'est mis en service, que ça ne fuit pas. Est-ce qu'il y a un entretien à réaliser, même si on n'a pas de problème, ou on attend d'avoir des problèmes pour t'appeler, quoi? On attend d'avoir les problèmes. Globalement, le tuyau d'alimentation d'eau, il ne bouge pas, il ne bouge jamais. Ah ok, d'accord. Il n'y a que si la ville, par exemple, fait des travaux, il y a du sable qui rentre dedans, ça a désagrégé quelque chose. C'est à la charge d'un peu personne à la fois, on va dire. Ouais. Mais ça va être un cas, c'est un cas unique qui va se passer une fois tous les, je sais pas, 20 ans, un truc comme ça. Ok, ok. Il n'a pas d'entretien particulier. Ouais. On fait son installation et après on est cool là-dessus. Donc après c'est quoi qu'on peut vérifier? C'est par exemple on parlait des bombes tout à l'heure ou ça en sortie de siphon, tout ça, non? Tout ce qui est à l'intérieur de la maison, ça a besoin d'un petit peu d'entretien surtout sur les vidanges. Ouais. Activer, en fait, juste actionner le robinet pour ce qu'on appelle amorcer les siphons, renouveler l'eau dedans. Ok. Parce que de l'eau stagnante, ça pue, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Et des fois, ça s'évapore un peu à l'intérieur et du coup, on est en direct du tout à l'égout. Du coup, ça sent mauvais. C'est juste ça. Ah oui. Après, le nettoyage, les cheveux, tout ça, il n'y a pas de secret, c'est horrible. Mais il n'y a rien de spécial, on va dire, en entretien régulier à faire. Ouais. Quand tu dis, par exemple, les cheveux, les objets coincés, tu préconises quoi? C'est plutôt démonter, le siphon à l'arrière ou plutôt mettre un produit dedans, dans la canalisation? D'abord, en fait, démonter, parce que si c'est au siphon, le siphon, une fois démonté, il est nettoyable dans un évier, ni moins. Ouais. À condition de remettre le siphon avant de faire couler l'eau. Hein. Sinon, le faire couler ailleurs, l'eau, faut la faire couler ailleurs. Ouais. Ouais, voilà. Mais nettoyer le siphon, c'est quelque chose de, on va dire, facile. C'est nettoyer un bout de tube comme on nettoierait un bibelot, en Ouais, tout à fait. Et juste à bien remettre les joints après, donc c'est ça. Si on n'a pas de joints à la maison, faut vérifier l'étanchéité une fois qu'on l'a remonté. Quand on le remonte, on n'est pas obligé de changer le joint, on est d'accord? Ça dépend de la tête du joint. Si le joint, tout ce qui est joint un peu de matière caoutchouc, pas forcément s'il n'est pas abîmé. Par contre, les joints fibres, les joints un peu couleur orangée, là, une fois démonté, il faut le changer même s'il a l'air bien. D'accord, ok. Ouais, c'est bien, c'est après, bon à savoir, Globalement, nettoyer les siphons, si c'est plus loin que les siphons, faut essayer au Karcher avec un furet. Et en fait, le produit chimique, c'est un peu le dernier recours. Ok. Ah oui, ok. Les vrais produits chimiques qui marchent vraiment, ça abîme le tuyau. D'accord. Ça peut même aller jusqu'à le percer. Ah oui, donc il ne faut pas le faire comme ça en se disant ça va déboucher mon tuyau, ça va être efficace. Il faut bien respecter les dosages. C'est ceux qui marchent, hein, parce qu'il y en a plein, ils ne marchent pas vraiment. Mais les puissants, on va dire, il faut bien respecter les dosages parce que sinon, ça crame tout. D'accord. Et puis ça se retrouve dans la nature, quoi, au final. Ah bah aussi, ouais, après sur l'assainissement, c'est puissant, ouais, c'est mauvais aussi pour la suite. Après, en soi, c'est un acide, la pluie est un peu acide en soi, c'est juste que là, c'est très concentré d'un seul coup, mais... Ouais. Ouais. Je reviens sur le terme furet, on est d'accord, c'est pas l'animal, hein, c'est quelque chose que vous passez dans le tuyau. C'est une petite bille qui projette de l'eau avec le karcher en arrière, très fort. En fait. D'accord. Non mais qu'on soit bien d'accord, parce que sinon, imagine, vous écoutez et puis que vous envoyez un vrai furet, il va pas être content. Non, il va pas être heureux. C'est comme le hérisson dans la cheminée. C'est comme le hérisson dans la cheminée. C'est marrant, ça porte tous des noms d'animaux, ces trucs-là. T'as des anecdotes à nous partager, comme ça, des chantiers sur lesquels tu t'es retrouvé, je sais pas, des situations rigolotes ou au contraire pas très agréables, parce que quand il y a des... bon, les cheveux, c'est le moindre mal, mais ça, je pense que ça peut être pire. Oh bah oui, enfin, j'ai vu moi une fois faire une vidange dans une cave d'un immeuble qu'on devait intervenir parce qu'elle était abîmée, enfin elle était cassée littéralement. Ouais. Sonner à toutes les portes pour dire utilisez pas les vidanges parce que on est en dessous. Ouais. Au moment où on coupe, tout prend sur la tête. Là c'est 12 douches. Là c'est horrible, là on monte, on trouve qui c'est et puis on lui explique que ça va pas le faire. Mais globalement, c'est très rare. Hein. Ouais. Le plombier, il est globalement qu'on débouche des vidanges, c'est pas vraiment ce qu'on fait le plus. On le fait, je dois le faire peut-être une fois par mois. Et c'est souvent un coup de pompe et puis c'est fini, t'es débouché. D'accord. C'est ça qui t'a donné envie d'être plombier ou il y a d'autres raisons? Évidemment, j'adore prendre ça sur la tête. Non, c'était quoi? C'était une vocation ou ça s'est trouvé au hasard sur ton parcours? Ça s'est passé comment pour toi? Comment ça s'est passé? C'est que j'en faisais un peu avec le papa, avec tout ça. Puis au fil du temps, il fallait bien choisir quelque chose. Le papa qui était plombier ou pas du tout? Ou il est bricoleur simplement? Non, il touchait à tout aussi. Ok, d'accord. Donc après, ça s'est fait comme ça. Et puis après, j'aimais bien, donc après, j'ai pas arrêté. Ok, d'accord. Donc plombier pour un jour, plombier pour toujours. C'est ça. Oui, il y a Simon qui vient d'arriver. Bonsoir Simon. Bonsoir, je me suis incrusté. Si je peux me permettre, j'ai une question à poser à un vrai professionnel. J'ai entendu dire que l'un des fléaux assez récents, si je puis dire, pour la plomberie, c'est les dépôts de graisse. Est-ce qu'effectivement les gens ont tendance à larguer beaucoup trop de matière grasse, huile, etc. dans les plomberies au point que ça les bouche? Alors oui, j'en ai fait un cette semaine là, mais peu importe ce que lâche le client, une machine à laver, la lessive, c'est gras. Ah, pas de lessive dans la vagine. J'avais pas pensé à ça. Non, mais c'est pour donner un exemple. Il y a du liquide vaisselle quand on se lave les mains, du savon. Ouais, c'est grave, oui. Ça forme des graisses et en fait, c'est un cumul avec les années qui 1 plus 1 plus 1 plus 1, à force ça fait 10, le tuyau fait 10, c'est bouché. Okay. Je n'avais pas entendu ça. J'avais entendu dire que c'était au Royaume-Uni que le problème était le plus important, mais qu'en France et dans d'autres pays limitrophes, le problème se faisait sentir aussi. Que certaines canalisations, certains égouts étaient bouchés par des graisses, a priori, je dis peut-être une bêtise, d'origine alimentaire, et que l'alimentation étant de base très grasse, les graisses qui partaient dans l'évier lors de la vaisselle, des débris alimentaires, finissaient par boucher complètement les canalisations. C'est fort possible que ça joue, hein, forcément, mais je veux dire, des graisses, on ne peut pas les éviter, il y en a partout, quoi qu'il arrive. J'ai vu des personnes assez âgées qui mangent littéralement pas de viande, pas d'huile, pas de tout ça, avoir les trucs bouchés de graisse. Ouais, le temps fait... Le graisse, Léo, c'est le calcaire. C'est eux qui sont graisseux, c'est les eux. Mais le calcaire, on peut pas faire grand-chose, sauf s'il y a un traitement de l'eau en amont, non? Les lavages durent plus longtemps. Un adoucisseur, alors des filtres, ça marche, mais moins qu'un adoucisseur qui va marcher beaucoup mieux. D'accord. Mais c'est un entretien régulier, il faut mettre du sel, des sacs de 25 kg à mettre dedans. Ça a un coût énergétique en électricité et en eau. Ouais. Donc qui consomme de l'eau en plus. On peut se poser la question de est-ce que ça vaut le coup, quoi, du coup? Alors, ça vaut le coup, par exemple, dans le 41, il y a beaucoup d'endroits où c'est vraiment très calcaire. Où c'est, j'habite dans le 41, ça me rassure pas, mais ok. T'habites dans le 41, toi? Bah oui, j'habite dans le 41. Mais dans le même département? Oui, c'est certain. Je savais pas. C'est bien, mais c'est à l'autre bout, toi. Ouais, bon, bref. Ok, donc oui, ça dépend de la zone sur laquelle on se situe. Si c'est très calcaire, vaut mieux. Moi, toi, par exemple, chez moi, je suis à la limite où c'est presque nécessaire. Ok. Personnellement, je le fais pas parce que j'ai pas envie de m'embêter à mettre du sel, tout ça. Et puis, ouais. Bah, s'il faut en venir, moi je peux le changer facilement, quoi. Donc, oui, bah oui, bien sûr, c'est l'avantage des. Mais c'est ça principalement qui va casser les chauffe-eau, ouais. Les robinets en règle générale, et aussi dans les vidanges, en fait, on le voit pas, mais c'est des tout petits dépôts de calcaire qui viennent se mélanger à la graisse. Ça forme un caillou et c'est ça qui emmerde tout. Comment on le sait si on a, à part quand on goûte l'eau et quand on est là, sans calcaire, mais comment on sait si on a une eau très calcaire et qu'il faut faire quelque chose si ou pas? Tu vois le calcaire se déposer sur ton robinet. Alors, il y a ce qu'on appelle un permotest. Ok. Qu'on peut faire ça. Ça s'achète partout. En fait, c'est des petites gouttes. On tire de l'eau dans une petite fiole. Ok. Ça fait un peu chimiste. Là, on met 3 gouttes par exemple dedans. Et en fonction du nombre de gouttes qu'on a compté jusqu'à que ça change de couleur, on sait à combien est notre pH, donc combien est l'acidité, combien est la dureté. C'est neutre, etc. Oui, oui, ok, d'accord. Okay. Mais après, sinon, il y a aussi la solution toute simple, c'est quand vous prenez votre douche pendant 6 mois, vous regardez votre barre de douche ou votre colonne de douche, il y a les taches blanches, c'est qu'il y a du calcaire. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du calcaire partout. La blague est valide. Il y en a partout maintenant aujourd'hui, c'est devenu un vrai fléau, il y en a partout. Ouais, ok. Mais vraiment, il y a des endroits où c'est vraiment une dose où on a l'impression de voir des cailloux tomber quand on ouvre le robinet. Mais à part votre douche, elle est blanche, mais à la base, elle était transparente. Là, il faut vraiment faire quelque chose, quoi. C'est ça, et il y a donc, hormis mettre un coup de vinaigre, il n'y a rien à faire. Ouais. Ou nettoyer à chaque fois quand tu, à la fin de ta douche, tu viens. Non, ça laisse des traces. Enfin, faut nettoyer au vinaigre à chaque fois. C'est ta petite vinaigrette à la fin de la douche. Vinaigre blanc. Ah ouais, le vinaigre blanc. J'ai horreur de cette odeur de vinaigre blanc. Oh. Ah, mais c'est une nature, toi. Bah oui, je sais. Dernière petite question rigolote. Combien de siphons démontés pour retrouver une alliance? Ça m'est déjà arrivé. Un seul. Un seul. Ah ouais. Mince, ça casse le cliché. Non, parce qu'il l'avait, en fait, il l'avait autour du cou, il l'a fait tomber dedans. D'accord. Ah oui, quand même. Mais donc, il savait lequel c'était, tout ça, mais. Du premier coup, mais sinon, y a aucune bonne réponse à ça. Il y a palmarès, il y a un podium des plombiers au mois 12. Ouais, ça doit être une grosse alliance pour mettre autour de son cou. Ah oui, non, je pense que c'était sur le collier. Oui, en pendentif. Moi, par exemple, je vois si l'alliance, en l'occurrence, ça va être autour du cou aussi. Ouais, d'accord. Oui, pour éviter de la perdre, effectivement. C'est pas ça, mais c'est aussi un coup de meuleuse, quelque chose dans le doigt, en fait, ça braille tout. C'est dommage. Du coup, au pire, ça va casser la chaîne, et puis c'est par terre, et puis c'est tout. Quoi. C'est bien vu. Ouais. C'est vrai que c'est mieux dans le doigt que sur l'alliance, le coup de meuleuse. Au pire, si tu perds un doigt, ça va, alors qu'une alliance. Parce que si l'alliance te sauve d'un coup de meuleuse, c'est ta femme qui te tue après. Ça, c'est pas vrai. Choisis ta mort. Moi, j'ai une dernière. Je préfère la meuleuse. Bien vu. J'ai une dernière petite question. Sur les références en termes de réglementation. Alors, tout à l'heure, j'ai cité un DTU. Alors, je me rappelle plus comment il s'appelait. Est-ce que tu as des 104.1 Non, c'était pas 104. Non. 64.1. Ah, 64.1. Ouais, ça te parle ou t'as d'autres choses auxquelles tu te. Le chiffre en règle générale, là, non. Comme ça, il faut me dire de quoi elle parle. Ouais. A priori, c'est tout ce qui est plomberie, ou assainissement, je sais pas. Ouais. Après, nous, en fait, les noms, on les connaît pas. Ouais. Enfin, moi, personnellement, en tout cas, je les connais pas. On sait ce qu'on doit faire et pas faire. Après, les DTU, on les respecte, mais on connaît pas les noms. D'accord. Là, comme ça, je peux pas en dire. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup, Johan. D'autres questions? Oui, moi, j'avais un petit truc. Est-ce que c'est déjà arrivé de trouver quelque chose autre qu'une alliance, quelque chose un peu hors du commun? Impromptu. Oui. Très souvent, allez, on va dire une bonne moitié des toilettes bouchées. Donc, sans parler des dégâts dans les sociétés où il n'y a que des femmes, les lingettes, tout ça. Ouais. C'est pas de la misogynie, c'est que c'est plus souvent comme ça, malheureusement. Ouais. Mais forcément, oui. Sinon, c'est les petits trucs à odeur qu'on met dans les WC, là, les petites boules. Ah oui, bon, les gens ils mettent ça dans les toilettes. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand les petites boules sont finies, des fois le truc en plastique il a plus de poids. Ah, il tombe. D'accord. Ah, oui, d'accord. Et ça bouge tout. Au moins la moitié du temps, c'est ça quasiment. Ah ouais, c'est marrant ça. Enfin, ça j'aurais pas pensé. Les boules. Oui, François fait une vanne malgré lui. C'est bon à savoir. Il est là le vrai génie. Exactement. C'est bon à savoir. Si vous ne pouvez pas boucher vos WC, attention à ce que vous suspendez dans vos. Éloignez-le, des odorisants. Faut pas tirer la chasse quand il est tombé, quoi. Faut pas se dire, oups, vaut mieux le ramasser, se salir un peu les mains que voilà. Ah oui, il y a des gens, ils disent, tant pis, je tire la chasse. Ouais. Et on verra bien. Il y en a, c'est des enfants, ils font pas exprès, le petit camion tombé dedans, tout ça, mais il y en a, ils l'ont clairement vu. Allez, tiens, reprends-le, va jouer avec. Un téléphone, c'est jamais arrivé, non? Parce que des fois, on s'assoit. Tu tires pas la chasse, quand même. Ça tombe, mais ça, les, gens, ils ont tendance à beaucoup le récupérer. Là, ils mettent la main, tu vois. Le téléphone, ils mettent la main. C'est rare que de petits camions coûtent aussi cher. Oui. D'accord, ok. Je comprends. Ok, bah, merci beaucoup, Johan, d'avoir été avec nous ce soir. C'est un plaisir. Merci beaucoup, Yo-Yo. Ouais, merci beaucoup. Merci. On te souhaite une agréable soirée. Et bonne continuation dans ton boulot, hein. Bonsoir. Bah oui, peut-être qu'un jour j'aurai besoin d'un plombier et ça sera toi. Voilà. À bientôt, bon, Johan. Bah, bon courage, bonne soirée. Merci. Merci. Salut. Il a de la chance, il peut prendre des douches au travail. Oui, il peut faire plein de choses. Il peut, l'avantage d'être plombier dans un corps de bâtiment, quel qu'il soit, c'est que bah, du coup, tu fais des économies quand tu répares. Ouais, ça, c'est bien. On va écouter Dead Night. Dead Night, c'est le nouveau single, tout nouveau de Yen. C'est la mort de la nuit ? Non, c'est la nuit morte. Non, c'est la nuit morte. Oui, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir, absolument pas. Mais moi, je lis dans le sens français. Les Anglais, eux, ils inversent. Moi, je lis dans le sens. Là, c'est mort, nuit. Ils sont pénibles, ces Anglais. Ouais. Yen, artiste Indestar, que je connais depuis très longtemps, qui s'appelait Kruskin à l'époque. Et du coup, c'est son tout nouveau single qui est paru, je crois, hier ou avant-hier. Ça s'appelle Dead Night. C'est sur Indestar, en avant-première. Et dans un instant, ce seront les bons tuyaux. Chacun de nous ne vous donnerons des sources d'informations. Si vous voulez renseigner sur la plomberie, c'est à ne pas rater, c'est dans la suite du chantier. Ça arrive. Le chantier, c'est sur Indestar. C'est ici que ça se passe, sur Indestar, le chantier, votre émission de bricolage et même un peu plus, de rénovation carrément, de maison. On parle plomberie. ce soir et on vous donne des bons tuyaux. Et pain, parce que. Tuyaux de Jeannot. Ouais, parce que. Ah oui, alors les bons tuyaux de Jeannot, c'est dans un gars, une le fille. Le roi des tuyaux, c'est Jeannot. Ouais, j'ai oublié ça. C'était en 2002 en même temps. Non, mais oh, ça va. Bah quoi, ça remonte. Ça fait pas il y a 10 ans, non. T'étais enfin, pas si, né. Bah si, du coup, si. Bah si, ça fait plus ça que 10 ans. 22 ans. C'est ça. 22 ans. 22 ans. Ah bah oui. Bah oui, 2002, ça remonte. Oui, oui, tout à fait. Attendez, je suis choquée là. Les bons tuyaux. Okay, on choisit chacun une source de référence pour vous donner des conseils autres que les nôtres. J'ai choisi pour ma part 5 ouvrages. Est-ce que toi comment... aussi, ce seront dans les mêmes. Je sais pas. Est-ce que tu as Plomberie les bases oui. De Pierre Auguste hein. Tu l'as. Ok, donc celui-là, il vous explique les fondamentaux de la plomberie. Ah bah non, en fait, non. Ok, okay. Donc tout ce qui est système d'eau et de gaz. Et pourquoi le choisir? Parce que c'est l'idéal quand vous débutez hein. Ça donne des instructions étape par étape avec des illustrations, vous avez des beaux dessins, c'est tout bien. Un peu plus complexe, pour aller un peu plus loin, vous avez le guide complet du plombier de Michel Dupont. Le mec a un nom très lambda hein. Là vous avez des ressources un peu plus pointues pour les plombiers professionnels comme pour les bricoleurs avancés, avec notamment les techniques des normes, etc. Alors sur les normes je suis un peu mitigé dans le sens mitigeur oui dans le sens où je me dis que peut-être ça évolue donc entre l'apparition de l'ouvrage et ouais. Le fait que quand vous allez l'acheter vérifiez quand même sur internet les dernières normes mais bon pourquoi pas si vous cherchez à approfondir vos connaissances techniques et à comprendre les aspects réglementaires de la plomberie ça peut être une bonne chose. J'ai plomberie et installation sanitaire de Claire Leroy. Là, elle est tout sur les aspects pratiques, mais aussi tout ce qui est esthétique des installations sanitaires, avec un accent qui est mis sur les économies de l'eau. Donc, si vous avez une perspective un peu écologique, moderne de la plomberie, plomberie et installation sanitaire, ça peut être sympa. Plus problématique, problème et solution en plomberie. Alors, on a des problèmes, mais après, on a des solutions de Simon Bricoleur. C'est un peu toi, Simon. Non, c'est pas toi. Il a posé un lustre avec moi, je vous rappelle. Oui, oui c'est Simon presque bricoleur. Simon se dépatouille comme il peut. Voilà. Donc là, c'est surtout ce qui est problème de plomberie les plus courants et avec les solutions derrière. Donc très utile pour faire un petit peu un diag de tout ce que vous avez comme problème de plomberie à la maison. Et puis j'en ai un cinquième, c'est Nouvelles technologies en plomberie de Laura Tech. Sur ce qui existe de plus neuf, de nouveau comme technologie sur le domaine de la plomberie dans les systèmes de recyclage de l'eau. Donc là, c'est parfait pour si vous intéresser à tout ce qui se fait de nouveau en plomberie. Et puis j'ai un dernier, j'ai un jeu vidéo. Alors c'est l'histoire d'un petit plombier. C'est peu connu hein, comme jeu vidéo qui parcourt un monde imaginaire. Il y a des plantes carnivores, des nuages, des tuyaux. Ça s'appelle Mario. Mario. Ouais. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Il est pas italien ton plombier? Il est italien comme okay. Plombier. C'est un concept. Ouais. François. Tu avais des choses à nous proposer? Pas nécessairement. Angé, visiblement. Il m'a zappé. Mais non, je t'avais pas zappé, t'étais en train de parler. Mais j'étais en train de lui expliquer qu'il allait donner des sources. Enfin bref, il a des sources aussi. D'accord, t'as des sources voilà. D'eau, c'est très bien pour la plomberie. Bah justement, moi j'ai trouvé des livres, mais Simon vous en parlera tout à l'heure. J'ai trouvé un site web, tout simplement le site du Roi Merlin, qui propose des guides pratiques et des tutoriels pour les projets bricolage, y compris la plomberie domestique. Et ils ont une chaîne YouTube. Ah oui? Okay. Oui. J'ai été regarder, vérifier. Effectivement, ils ont bien une chaîne YouTube et bah on voit en vidéo ce qu'ils expliquent quoi. Okay. C'est plutôt pratique. Oui, c'est très visuel. Bien les chaînes YouTube. Ça permet d'entendre de et de voir la chose, et de mettre en pause. Parce que des fois, quand on te parle de clé de je sais pas quoi, je suis d'accord. C'est une très bonne chose. Tu comprends pas tout. Et aussi, j'ai trouvé un forum en ligne. Qui s'appelle Bricozone. Ça offre des espaces pour pouvoir poser des questions et obtenir des conseils de la part d'autres bricoleurs et des professionnels aussi qui sont sur cette plateforme. C'est un échange, c'est un... J'ai été faire un petit tour dessus, c'est pas trop mal. La prochaine fois, on n'est pas plus que ça, mais c'est plutôt pas mal. D'accord. Voilà. Bon, et bien pour ma part, je vais vous évoquer des sources. Donc de cellulite, ce sont des livres, des sources non tarissables. C'est ça, et que je connais très bien puisque j'ai appris leur existence il y a une minute et demie. J'aime bien l'idée. Donc nous avons le livre intitulé La plomberie. Alors on peut pas faire plus, plus clair. Mais c'est bien, au moins on sait de quoi ça parle. Donc La plomberie par Christian Mazet, publié par Erol. C'est un livre de référence pour les débutants en plomberie domestique. Oui, tu voulais me dire quelque chose? Non, c'est qu'on te voit pas. On ne me voit pas. On te voit pas, c'est horrible. Coucou caméra. Nous avons le site web, on peut parler de littérature quelque part. Bien sûr. Oh pardon, non j'ai sauté, pardon, le site second web, livre. J'ai déjà dit en fait. Ben oui pardon, je répète tes dires. Bon. Non, c'est pour mieux répéter ce que tu dis. Donc l'autre livre, ce serait le guide de la plomberie par l'artisan malin, qui est également un bon choix pour ceux qui cherchent des instructions claires et détaillées. Faites un artisan, c'est malin, c'est l'artisan malin. Voilà. Tu as fait de la réclame, mon cher. Ben oui, de la réclame, évidemment. Ça allait avec mon style. Très bien, Brigitte. Non, d'accord. Ok. Non, mais très bien. Je ne connais pas assez en Blu-ray. D'habitude, on a toujours les petites astuces de Brigitte, mais bon. Là... C'est ça. Mais par contre, dans un instant, on aura le jeu de Brigitte. J'avais Alexis qui a un quiz à faire. Ah bah oui. J'ai fait mes devoirs. Le quiz, justement. Les références. Les références, tout le temps. Si, je crois qu'il y a la plomberie pour les nuls. Ah oui. Bah, ça, il y a tout pour les nuls. Ça, il y a tout pour les nuls. Donc, ça, j'imagine que c'est pour les bases. Ouais, puis c'est pas mal parce que, en fait, c'est plutôt bien fait en principe, ces livres-là. Donc, quand on veut commencer, ça pousse pas forcément. Le curseur très loin, mais au moins ça permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, quoi, et puis de se dépatouiller un peu sur les choses les plus courantes que vous pouvez réparer. Le quiz, donc, dans un instant, Brigitte versus Angelina. Oui. Vous avez des questions à nous poser, et du coup, nous on sera une équipe de 3 divisée par 2. Voilà, bah, va falloir faire le calcul. Non, mais vous êtes chacun pour votre poids, on verra qui c'est le plus meilleur. D'accord, chacun pour notre poids, ok, très bien. Et attention, je veux qu'on lève la main. D'accord. Oui, maîtresse. Oui, maîtresse, exactement. Faut pas qu'on gueule, je sais. D'accord, on ne gueulera pas. Avant ça, on écoute de la musique, évidemment, sur Indestar. Vous connaissez Miley Cyrus avec son single... Miley Cyrus. Qui est nue sur un... Used to be young. Là, c'est pas Miley Cyrus, c'est Force to Eleven qui la reprend en version rock and roll sur Indestar. Ah, c'est mieux. The truth is bulletproof, there's no fooling you, I don't trust the same. Me and who you say I was yesterday have gone our separate ways. Left my living fast somewhere in the past, cause that's for chasing cars. Turns out open bars lead to broken hearts and going way too far. I know I used to be crazy. To be young. C'est marrant ça, trancher, comme une tranchée, hein? Non? Bon. Prêt pour le chantier, c'est parti pour la plomberie. Allez, le tuyau, le tuyau, le Oh là là. Grand été là, dis donc. C'est moi qui ai fait les paroles. Ah, dis donc. T'as recruté la compagnie créole. Exactement. C'était l'idée. T'aurais dû laisser. Je commençais vraiment à m'ambiancer. Bah, je te l'enverrai si tu veux. Ça fait plaisir. Voilà. C'était un tuyau, deux tuyaux par la compagnie créole. Bon. Dans le chantier, c'est la dernière ligne droite et c'est l'heure de jouer, c'est l'heure de s'affronter. Nous avons d'une part Angelina qui nous a préparé des questions, mais nous avons aussi Brigitte, dit Brijou, qui nous a préparé des questions. Qu'est-ce qui se passe ? T'as appuyé là ? Non, remets pas la chanson. Non, remets pas la chanson. Bon, d'accord. La compagnie Gible. C'est le quiz de Brigitte Angelina. C'est vrai que j'aurais pu faire une musique pour le quiz. Hein. On y pensera la prochaine fois. Enfin, une musique spéciale jingle Angé Nono, normalement. Oh, Brigitte. Comment on procède ? Eh ben, on procède. Puisque nous sommes sur une équipe impair, du coup. Bah, tu fais trois colonnes sur ton ardoise et on essaie de répondre tous les trois. D'accord. Voilà, puis bah Brigitte et moi, on est ensemble, quoi. On pose nos questions tranquillou. D'accord. Vous êtes dans le camp du savoir. Alors, voilà. Nous avons Théo. Nous avons François. Et nous avons. Toc. Nous avons Simon. Présent. Très bien. Vous serez pas collé, Simon, ça va. Ok, on commence par une question d'Angelina. Ah bon ? Oui. Bon, bah moi, ça va y aller crescendo du coup. On va commencer simple et après. J'aime bien quand tu fais des questions simples. Surtout quand je dois répondre aux questions. J'ai toujours une petite question bonus, évidemment. D'accord. Alors, quel type de soudure est couramment utilisé pour joindre des tuyaux en cuivre ? Je rappelle que vous pouvez jouer aussi avec nous, même sur le chat, sur Indestar Radio, sur Twitch. Hein, et on lira vos réponses si on les a. J'irais soudure à l'étang ? Non ? Non, je ne sais pas. Non, peut-être pas. S'il faut, y a pas de proposition. Est-ce qu'il faut qu'on lève la main ? Pas lever la main ! C'est parti, là ? Soudure à l'étang, dame. Je vais dire François-André parce que c'est mon pote, enfin, c'est un ami depuis toujours. Donc, ouais. Sincèrement, j'allais dire soudure à l'étain parce que je connais que celle-là. Effectivement, c'est la bonne réponse. Moi, j'ai la bonne réponse. Je m'en fous là-bas. Également connue sous le nom de soudure à brasure. À brasure. Hein, je ne connaissais même pas le procédé. C'est vous dire si je suis un expert. François-André, lui, savait, tu vois, lui. Ouais. Oui, aussi. En techno, vous savez. Et on n'a pas soudé des tuyaux. Mis un point, oui, je me suis mis un point. Non, mais c'est un tricheur. Mais non, je suis pas tricheur. Tu n'as pas levé la main. Mais j'ai donné la réponse. Tu n'as pas levé la main. Non, parce que tu n'as pas dit qu'il fallait lever la main. J'ai demandé la consigne. Si elle l'a dit. Je l'ai dit au début, en off. C'est vrai, tu l'as dit. En off. En off, c'était pas l'antenne. Et tu as répété oui maîtresse après moi. Ouais, mais c'était en off. Alors voilà. Ça marche pas. Ok. Tu mets un point, Simon. Bah non, il a pas. Ah non, j'ai pas répondu, la réponse. Oui, mais c'est pas grave, vous êtes tous à égalité, il y a pas de triche. Non, non, ça ne marche pas, mais Brigitte. Il va se rattraper. Brigitte. Alors moi, c'est quiz avec proposition. Hein, donc Oh yes, merci Brigitte. Proposition. Alors, quel matériau. Oh bah mince, je peux pas. Ah, puis voilà. Rapproche le micro, nous peut-être on parle de. Attendez, la voix est partie en vacances. Nous avons une panne de voix. Quel matériau est le plus utilisé pour les circuits d'eau potable et de chauffage ? Le bronze, le cuivre ou l'argent ? On lève la main. Ah bah c'est... On a levé la main. Ah bah oui. C'est le premier qui a levé. Le cuivre. Ouais. Oui, mais bon, est-ce qu'on doit. En fait, moi je dis, faut noter quelque part parce que si on a tous la bonne réponse. Oui, c'est vrai. Hein non, mais c'est vrai. C'est pas faux. Tu es d'accord avec le cuivre, on est d'accord. Oui, bon, oui. Ouais. Moi je pense que j'aurais dit plus juste de donner les ardoises. Oui. Bah oui. Ouais. Est-ce que Brigitte, tu peux nous donner les ardoises? Ils doivent être juste dans c'est le meuble à gauche. C'était pour du beurre, on va commencer. Non, je profite de cet interlude, mais saviez-vous qu'on parlait de plomberie parce qu'autrefois les tuyaux étaient majoritairement en plomb? Oui, elle l'a déjà dit juste au début. T'as pas écouté le début de l'émission. Non, j'étais à la boxe, pardon. Et bah voilà. Mais effectivement, elle l'a dit, merci de ton intervention. Peut-être que vous ne l'avez pas dit, mais. Tu veux du pain? Non, merci. Mais on soupçonne que justement c'est les tuyaux en plomb soient en partie à l'origine de la décadence de l'Empire romain. Ils avaient des plomberies en plomb, effectivement. Ouais. Et le plomb a la fâcheuse tendance à se diluer dans l'eau. Oui. C'est un métal lourd qui est toxique sur le long terme et qui provoque, que je ne dise pas de bêtises, du saturnisme. Donc les Romains seraient tous morts de. Non. Non, non, non. Seulement. C'est un plomb dans l'aile, quoi. Seulement si tout ton peuple commence à être atteint et à avoir des taux élevés de métal lourd dans le sang, il y a des chances qu'il y ait des choses qui n'aillent plus très droit. D'accord. Donc on pense que ça a joué sur le déclin. Ah, c'est de marrant ça. Imagine, tout est dans l'eau. C'est dingue. Triche pas, Théo. C'est dingue. Ok, tu donc on a pas, les ardoises. Théo. Mais non, je ne triche pas. Est-ce qu'on peut rappeler les scores, s'il vous plaît? Eh ben, on est à 2 pour François, 2 pour Théo et 1 pour Simon. Ok. Pour le moment. Moi, j'aurais proposé de recommencer. Non. Non, non, non. Restons sur nos points. Angelina, une deuxième question, peut-être. Ah oui. Quel est le but d'un siphon dans un système de plomberie? Un siphon, fonfon, les petites marionnettes. Quoi, c'est tout? Oui, c'est tout. Ouais. Oh, oh, le siphon. Pour l'instant, c'est bon, hein. Eh ben, le siphon, il va siphonner. Il va se taire, le siphon. Ah, il faut que j'appuie sur mon feutre parce qu'il écrit mal. Le siphon, c'est quoi le rôle réellement du siphon? C'est de... Angé, t'as lu ce que j'ai mis ou pas? Angelina, pardon, j'ai appuyé à mort parce que... Oui, c'est ça. Feutre écrit mal, c'est bon. Attention, parce que Théo, il triche. Non, j'ai noté... Alors, moi, j'ai noté enlever l'eau, quoi. C'est... Alors, je donne un point à François, André et Simon. Yes. Et pourquoi pas moi? Bah parce que t'as faux. C'est pas enlever l'eau. Toutes mes ficelles de bien joué. Ça empêche les odeurs désagréables de remonter des égouts dans la maison en créant un joint d'eau dans le tuyau. Ouais. Oui, oui, oui. Mais, pardon. D'accord. Ça, bon. je l'ai su parce que y avait des odeurs chez nous. Ah ouais. Et je parle à un gars de l'assainissement, justement. Je dis, mais rends-toi compte. Enfin, bref. J'ai des odeurs. Il m'a dit, mais tu dois avoir un problème de siphon. Et c'était vrai. C'était vrai. Ouais, c'est bien d'avoir un collègue qui bosse dans l'assainissement. Ouais, c'est inestimable. Inestimable, exactement. Très bien, François, prends la tête. La tête. Question de Brigitte. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de nourrice. Oui. Voilà. Oui. Qui a un autre nom. Ah. Alors, j'ai 3 propositions. C'est une babysitter, peut-être. Non. Ça peut s'appeler... Un requin. La clarinette. Pourquoi un instrument de musique? La trompette. Oh là. Ou la flûte. Je ne sais même pas ce que c'est une nourrice. C'est ce qui distribue l'eau. Tu vas avoir des tuyaux différemment. Ça va distribuer différents tuyaux. Tu vois. Alors, clarinette, trompette ou flûte? Oui, alors moi j'ai marqué trompette. Montrez pas. Parce que Yann est un gros tricheur. C'est qui Yann? Moi je mets flûte. Théo? Moi j'ai mis. Simon. C'est Simon. Oh mince! C'est de la clarinette! Ouais. Voilà. L'autre nom de la nourrice, la clarinette. C'est par rapport au bruit qu'il fait? Non, je pense que c'est rapport à la disposition des trous. Oui, moi aussi j'ai pensé ça aussi, mais je me suis dit super intelligent, va tilter. Ouais. Bon, non. Il est fort en pomme. En pomme, c'est bien ça? Certainement, oui. Hey, encore une excellente référence. Par rapport, mais c'est moi qui viens de le dire. Nourrice, bravo. Ce que j'expliquais. Ouais. Ouais. Non, j'ai cru reconnaître la voix de Théo, pardon. Tu nous as confondu. On voit. Ouais, mais j'écoutais ailleurs. La Laura, c'est moi qui dors avec toi, pas lui. J'écoute, tu reconnais ailleurs. Pas ma voix? Oui, bon, ça va. Comment? Question d'Angelina. Il est malade. Alors. Oula, pardon, excusez-moi. Question 3. Oui. Quel outil, attention, c'est très facile, hein, ouais, est utilisé pour couper des tuyaux, il y a maman qui m'appelle, en PVC ou en cuivre? Il n'y a pas de proposition à chaque fois? T'as pas... Bah non, vous débrouillez. J'hésite. Merde. Bah ça peut être, tout à l'heure, il a parlé, les tuyaux, il a parlé de la... Qu'est-ce qui peut être utilisé pour couper des tuyaux en PVC ou en cuivre? On dirait que François hésite. Non mais pff, ça peut être un outil, en fait, hein. Ouais. Moi j'ai mis la meuleuse. Est-ce que la ouais scie circulaire, oui enfin c'est une meuleuse plus qu'une scie circulaire. Bah ouais. C'est effectivement une scie, mais c'est pas une scie circulaire. Bah t'as, si. T'as mis quoi toi? On peut utiliser une meuleuse. Alors le ce qui est généralement utilisé, c'est une scie à métaux ou une scie à guichet. Ouais, mais une meuleuse bon, ça marche aussi. Comment on fait pour aguicher une scie? Parce que tout à l'heure, Johan nous a dit que il utilisait beaucoup d'électroportatifs et. Mais il y a pas un mot scie dans ton mot là. Mais pourquoi c'est ma... t'as pas bon, dit de mais toi tout le monde oh. Moi j'avais scie à métaux et scie à guichet. Oui, ce qui est utilisé le plus. C'est quoi une scie à guichet? C'est à te faire payer un ticket d'entrée, non? Oui. Non, il faut la guichet avant. La guichet. Il y a maman qui m'appelle pour la troisième fois. Ouais, ben bah, je sais pas ce qu'elle a maman. C'est urgent. Très bien. Question suivante de Brigitte. Alors, la fonte est le résultat d'un alliage. Ah ouais. Je connais. Alors, est-ce que c'est le fer et le nickel? Le fer et le carbone ou le zinc et le cuivre? Oh, je voulais écrire la réponse avant que t'aies fini, j'ai pas eu le temps. La réponse C, le zinc et le cuivre, j'ai marqué. Non. C'était pas ça. Fer et nickel, moi je marque. C'est fer et carbone. Ouh, fer et carbone. Mais que Simon. Ouais. Oh mince. Et oui, je le pourquoi je c'est sais. Si fou le carbone là-dedans? Je là. Le sais parce que je me suis intéressé à l'histoire de l'apparition de l'acier. Au départ. Mais si, attends, mais gêne-moi. Mais laisse-moi expliquer. Au départ, on a appris à extraire le minerai de fer et à le raffiner pour avoir du métal de fer. Ouais. Or, on s'est aperçu que quand on mettait le fer directement dans le charbon pour le chauffer, avant qu'on ait les forges modernes, le fer en ressortait un peu plus dur. On n'a pas su pourquoi tout de suite. Uh-huh. Aujourd'hui, on sait que c'est parce qu'une partie du carbone du charbon passait dans le fer. Okay. Donc, on s'est dit, super, injectons du carbone dans le fer une fois qu'on a compris le truc. Ça sera meilleur. Sauf que si on met trop de carbone, si on dépasse les 2%, si on dépasse les 2% de carbone dans le fer... Le métal perd toutes ses propriétés durcissantes, souples, etc. C'est plus du tout de l'acier, vous passez à de la fonte. Ok. À partir de 2%, c'est de la fonte. C'est ça, vous avez un truc super lourd, super dense, super pas souple. Bref, c'est une cata. Ok, bah ça dépend. C'était quoi la fonte? Oui, peut être intéressante hein, sur bien sûr, points, bien mais sûr. Mais si tu cherches à avoir de l'acier et que tu obtiens de la fonte, ah bah non, c'est une mauvaise recette quoi. C'est un fiasco. On est d'accord. Ok, Angé? Oui, bah question 4. Quel est l'outil utilisé pour installer un joint d'étanchéité sur un raccord de plomberie? L'outil? T'as pas de proposition? Des mains? J'ai une vague idée. Ah, dis vraiment, l'outil. Je ne savais même pas moi-même. Pour installer un joint d'étanchéité. Recommence. Non, visiblement, c'est pas ce que j'avais en tête. Moi, j'ai mis la cintreuse. Moi, j'ai créé un serre-joint. C'est un peu plus technique, hein, je vous l'ai dit. Hein. C'est pas la cintreuse. Moi, j'ai mis une pince. C'est un couteau à mastic pour découper et appliquer le joint. C'est ce qu'il y avait écrit sur le... J'ai jamais fait de plomberie de ma vie, à part démonter un siphon. C'est un couteau à mastic. On apprend des choses. Est-ce que quelqu'un dans le chat avait la bonne réponse? Ah non. Non. c'est le désir des tartares. C'est bien de demander. Tant pis pour vous. Question de Brigitte. Tant pis, personne n'a la bonne réponse. Les canalisations en plomb sont interdites pour raisons sanitaires. Ouais. Depuis un certain temps. Ouais. Est-ce que c'est depuis 1958, 1975 ou 2013? 1958, 1975 ou 2013? Écoutez la question. Puis quand les canalisations c'est la question en e. plomb sont interdites, j'ai mis 75. Pareil. Ouais, je mets 50. J'allais vraiment mettre 75. Oui, j'ai mis 75, tout 75. Il a juste effacé le 1 et le 9. 2013. Ah, j'étais pas sûr. C'est ouf. J'ai failli te dire de mettre ça, mais je me suis retenu. Je n'étais pas sûr, mais il me semblait avoir entendu un plombier se plaindre. Ouais, maintenant, faut plus mettre des tuyaux en plomb. Mais je me suis dit, non, c'est pas possible. 13, oui. Ah, c'est super récent. Pour moi, c'était. Dans les années 70, ça. À ma connaissance, ça fait depuis longtemps qu'on n'a plus le droit. Alors, d'en mettre, mais c'est l'interdiction, ça doit forcer à les changer si toutefois il y en a. Ah, je crois pas, parce qu'il y en a toujours, hein, des tuyaux en plomb. Hein. Bah, c'est illégal, je suppose. Ah ouais, tu crois? J'imagine. Ou alors c'est peut-être en sortie, tu vois, mais peut-être pas en entrée, enfin, j'en sais rien. Ouais. Aucune idée. Ouais, ok. Attention, pour ceux qui ont bien écouté ce qu'a dit le monsieur juste avant, il a parlé d'outils indispensables. Il y a un outil, notamment, qui est vraiment indispensable, que les plombiers se servent partout, tout le temps et toujours. À votre avis, c'est quoi? Leurs mains. Non, il a dit les... Alors, Angé donne les réponses à Simon. Souffle à Simon. Simon n'aura pas la bonne réponse. Je n'ai pas compris. Mais il n'était pas là. Il n'était pas là. Et alors, on s'en fiche. On ne donne pas la bonne réponse. Je réfléchis. Non. Garafou. J'ai mis les pinces. Il a parlé de pinces. Oui, il a parlé de pinces. Il a parlé de pinces. Ça aurait pu être la réponse, mais non, c'est la clé à molette car elle peut. Car elle sert et dessert presque tout sauf les bouchons de champagne. Sauf qu'il a dit les pinces. Sauf les bouchons de les champagne. Les clés à molette. Oui, mais c'est l'outil le plus utilisé. Oh, genre. Maîtresse, je suis pas d'accord. Maîtresse, j'ai pas mis clé à molette, j'ai mis clé. Ça a mis une clé. J'ai un demi-point, maîtresse. Non, parce que la clé pour ouvrir chez toi, ça marche. Un demi-point. Non, bah, évidemment, non. Pardon ? François, t'avais mis quoi ? Oh, moi j'étais dans les choux. Hein. Ouais, bah non, personne n'a la bonne réponse. Mais le chou n'est pas un outil. je le compte. Mais non, tu le comptes pas. Alors, ok. C'est à Brigitte. Alors, dernière question. Les canalisations d'évacuation sanitaire nécessitent une pente qui doit être. Ah, justement, on y vient, la fameuse pente. Voilà, qui doit être minimum de 1 cm. Pour 10 cm. Oh là là. Ça fait 10%. Là, 1 cm pour 10 cm. Je te le dis pas, toi, t'es quoi? Ah, si, dis. Garde ton intelligence. 1 cm pour 1 mètre. Ou 1 cm pour 10 mètres. Quoi? 1 pour 1000. Alors, 1 cm pour 10 cm. 1 cm pour 1 mètre. C'est compliqué vos questions. 1 cm pour 10 mètres. Personnellement, les miennes sont plus simples. Non, je trouve pas. Ah non, parce que moi je donne 3 propositions. Oui, il y a des propositions. Donc, il vous a donné la réponse tout à l'heure au téléphone. Si, on a quand même la bonne. Je ne les connais pas. J'ai mis B, 1 cm pour. Pour 1 mètre. 1 mètre. Ouais, réponse A. Oh zut. C'est ça. C'est réponse A. Non, c'est 1 cm pour 1 mètre. 1 cm pour 1 mètre. Quoi, c'est réponse B. Ça fait 10%, non ? C'est ça ? Non ? C'est non, quoi 10%? La réponse 1, c'est 100. Ça fait 1%. 1%. La réponse 1, c'est 10%. La réponse 2, c'est 1%. D'accord, ouais, okay. Au moins, quel est le point? J'ai une petite question bonus. Attention, vous n'avez pas besoin d'écrire sur votre ardoise, ça va aller vite, d'accord? Donc, on gueule? Oui, si vous voulez. La réponse D. Vous êtes prêts? Oui. Pourquoi les plombiers sont-ils de bons conseils? Parce qu'ils ont toujours le sourire. Du plombier. De bons conseils parce que ça, y a une, parce qu'ils ont y a des bons tuyaux. Oui, c'est ça. Juste ça quoi. C'est, bah oui. Des bons tuyaux. C'est validé. Théo. Parce que les parce qu'ils sont toujours de bons tuyaux. Ça veut rien dire. Alors, ils ont c'est... toujours des bons tuyaux. Oui bon, excusez-moi, j'ai mal lu, c'est mais bon. Vrai, la blague. Ils sont toujours de bons tuyaux. Ah mais une blague est mal lue, ça ne fonctionne pas. Ok, c'était. C'est la petite bonus. Non. Il faut aussi qu'elle soit bien reçue. Oui. Ouais. On fait les comptes, les scores. Qui c'est, Jeannot, le roi du tuyau? Simon qui a 6 points. Simon a 6 points. Bravo, Simon. Merci, merci. Même si Angé était. Oui, c'est. Oh, ouais, ouais, il y a qu'une fois que j'ai essayé d'aider, il a pas validé le point. Elle a essayé de m'aider et ça a échoué. Ça a échoué. Ouais. François, 4 points. C'est magnifique, c'est beau. Bien. Bravo. C'est un beau score, je trouve, parce que j'ai le même. Ouais, très beau score. Et lui, il s'est rajouté des points entre deux. Pas du tout. Pas du tout. Bah non. C'est vrai qu'il était à 3 points. Et Jeanne... non. Allez, réécoutez l'émission podcast. J'attribue d'office le score maximal à nos deux organisatrices. Ah, bah bien sûr, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, merci bravo. Brigitte, merci Angé pour cette performance. Voilà. Et merci Brigitte pour ses propositions, parce que franchement. Oui, parce que je veux vérifier. Ouais, ça va, mes questions n'étaient pas dures. Bah, quand on a un CAP plomberie. Attends, oui, si vous voulez. L'autre jour, j'ai fait un quiz, on m'a dit c'est trop facile. J'ai changé. Forcément, d'accord. Par rapport à Noémie, là, elle avait des questions difficiles. Toi, t'avais des questions super simples avec des propositions. Là, j'ai pris un peu de tout. Non, c'était bien. Vous voulez vous départager, messieurs? J'ai une question bonus que je viens d'inventer. Bon, vas-y. La plomberie en Europe remonte-t-elle à il y a 1000 ans? Ah, il y a 2000 ans ou il y a 4000 ans? 4000. Moi je dirais 2000 ans. 4000. En Europe. Du temps des Romains. En Europe. De toute façon, quand tu sais pas, c'est toujours au milieu. Parce que. C'est pas faux, mais des fois ça marche. On prend aussi l'acheminement de l'eau, tout ça, non? Bah, la plomberie en fait. Ouais, je crois que 2000 ans. 4000. Et moi c'est 2000. On n'a pas de date précise, mais ce serait aux alentours de 4000. Ah! Yes! Putain, allez, limite, il a gagné juste au culot en fait. Il a pas gagné. Non, j'ai pas gagné. Hein, parce qu'on n'a pas la date. Deuxième. Ah bah oui. C'est vrai, c'est bien trouvé. Non, il y a 2000 ans, ça aurait été les Romains, effectivement. On sait qu'ils étaient très forts en plomberie. Ouais. Ouais. Il y a 1000 ans, c'était plutôt délaissé. On avait des efforts de, on avait de plomberie, d'égout, etc. Mais c'était pas un effort collectif qui était fait de façon généralisée. Et quand il y a 4000 ans, il y avait déjà des efforts de canalisation. De canaux, etc. C'est fort. On est 2000 ans avant Jésus-Christ tout de même, mais ça faisait, pour vous donner un indice, ça faisait déjà 2000 ans qu'on écrivait en Europe, par exemple. On a appris à écrire et puis après on s'est dit on s'intéresse au tuyau. On était déjà à l'âge du bronze, pour vous donner une idée. Ah, dis donc. Ouais. Puis après on a eu la médaille de d'argent et puis la médaille d'or après. Waouh. Bon, merci à vous de nous avoir écoutés ce soir ou peut-être en différé, puisque cette émission va bientôt être disponible en podcast. Vous allez sur indestar.fr, vous allez pouvoir sélectionner le chantier plomberie pour pouvoir écouter cet épisode. Et puis pourquoi pas faire des pauses, hein. C'est comme les podcasts vidéo, hein. Vous pouvez faire des pauses, revenir en arrière, repartir en avant, etc. pour écouter des petits bouts d'émission quand vous le voulez. Nous, on se donne rendez-vous très prochainement sur Indestar. Et avant, on va vous souhaiter une excellente soirée. Soirée que vous allez pouvoir passer seul, accompagné à une fête, par exemple, même si vous êtes arrivé avec, je sais pas, un vieux jogging à cette fête-là, et que en fait c'était une soirée hyper habillée, ce qu'on appelle ne pas voir les codes. Ça et sent c'est ce le vécu. Chante... Non, c'est j'arrive rarement. Fais attention, si tu fais une soirée, c'est une soirée à pas perdre ton permis. Hein. Faut faire attention aux codes. Ah non. Là, tu l'as taillé un costard. Ouh, faut faire attention aux codes de la route. De la route. Mais c'était juste pour lancer Gomard qui n'a pas les codes justement. Oui. Voilà, c'était pour ça. Et bien sûr, buvez avec modération en soirée. Oui, ou non, enfin, ça, c'est de l'alcool, parce que du jus de pamplemousse, vous pouvez boire tout seul, hein, y a pas besoin de modération. Attention au sucre aussi.